Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance du séminaire sur Bourdieu. Donc, nous avons le plaisir ce matin d'entendre Christian Laval, qui est professeur de sociologie donc ici au département de sociologie de Nanterre. Il est membre du Sophiapol. Il est aussi membre du centre Bantam et chercheur à l'Institut de recherche de la Fédération syndicale unitaire et en outre membre du Conseil scientifique. Alors Christian est spécialiste de la philosophie utilitariste de Jeremy Bentham. Il a traduit, il a présenté avec Jean-Pierre Clairaut l'ouvrage de Jeremy Bentham, l'ontologie et autres textes sur les fictions. Il a aussi rédigé les notes et la postface du panoptique et des écrits sur l'homosexualité de Bentham. Il a publié par ailleurs un volumineux ouvrage qui s'intitule « L'homme économique », qui est une analyse généalogique finalement de l'idéologie néolibérale de l'homo economicus, et publie aussi un gros ouvrage qui s'appelle « L'ambition sociologique », qui est une introduction aux grands auteurs de la sociologie classique. Il participe par ailleurs à la revue du MOS et publie beaucoup d'articles, notamment sur des sujets de sociologie. Et donc nous l'entendons aujourd'hui dans le cadre du séminaire Bourdieu sur une conférence dont le titre est « La lecture bourdieusienne du néolibéralisme et ses implications politiques ». L'idée est que la conférence dure à peu près trois quarts d'heure, une heure, et nous avons ensuite une heure de discussion, de débat, de questions. Et donc je lui cède immédiatement la parole. Merci Christian. Donc d'emblée, je voudrais donc vous remercier d'être venu et d'avoir affronté ce rude climat pour venir écouter une conférence qui, entre l'affiche et aujourd'hui, a un peu changé de titre de mon fait. Donc ce n'est plus la lecture bourdieusienne et ses implications politiques, c'est l'engagement de Bourdieu contre le néolibéralisme, ses fondements sociologiques et ses implications politiques. Petite variation qui peut-être trouvera sa signification au cours de l'exposé. Par ailleurs, je voudrais compléter ce qu'a dit généreusement Christian en disant que je ne suis pas spécialiste de Bourdieu ni bourdieusien et que c'est une raison, si je puis dire, en même temps tout à fait théorique, qui m'amène à présenter ce papier. C'est qu'ayant travaillé sur le néolibéralisme avec Pierre Dardot, ayant publié un livre qui essaye de faire l'histoire du néolibéralisme, je ne m'étais aucunement servi de Bourdieu, ni de ses textes polémiques, ni de ses écrits théoriques, et qu'en réalité, je me demandais moi-même pourquoi, finalement, n'avais-je pas été voir du côté de Bourdieu, mais plutôt avais-je été plutôt voir du côté de Michel Foucault, et chercher des ressources théoriques de ce côté-là pour éclairer cette histoire du néolibéralisme. Et donc, je voudrais un petit peu faire au fond aussi pour moi-même le point sur cette question. J'ajoute également que ce qui m'a toujours frappé, c'est la façon dont l'histoire sociologique française s'était déroulée et comment les travaux de Bourdieu sur le néolibéralisme avaient été complètement déconnectés d'autres types de travaux critiques. Pourquoi Bourdieu ne citait jamais Castoriadis, pourquoi il ne citait jamais les travaux de la revue du MOS, etc. Donc, au fond, je pense qu'il y a aussi derrière le travail que je fais, ce que je vais vous présenter, l'idée que des passerelles, des passages sont possibles. Et d'ailleurs, on remarque que désormais, beaucoup de jeunes bourdieusiens qui se catégorisent comme tels, je pense à Franck Poupeau, Sandrine Garcia ou Stéphane Beau, écrivent maintenant dans la revue du MOS. C'est que donc il y a maintenant une autre génération, que les fossés, les conflits se sont très nettement atténués. Voilà. Ce petit préambule. Alors, je me lance dans cette introduction. La question la plus fréquente qui est posée à propos de l'engagement anti-néolibéral de Bourdieu porte sur le fait de savoir s'il ne s'est pas mis en contradiction avec lui-même. Est-ce que dans sa lutte contre le néolibéralisme, il n'est pas au fond devenu un prophète venant dénoncer les pouvoirs hors hors de son champ de compétences? Est-ce qu'il ne s'est pas transformé en une sorte d'essayiste sans rigueur? N'a-t-il pas sombré lui-même dans toutes les formes d'imposture, d'usurpation qu'il a passé son temps, durant toute sa carrière, à dénoncer? Et au fond, ne pourrait-on pas lui attribuer ce qu'il reprochait lui-même aux intellectuels, qui parlent, je cite, avec autorité, bien au-delà des limites de leurs compétences techniques, en particulier dans le domaine de la politique. Et l'on pourrait trouver de multiples passages de ce genre, et en particulier dans La leçon sur la leçon, qui est le texte, comme vous le savez, qui enregistre, qui transcrit sa leçon inaugurale au Collège de France en 1982. Il dit à ce moment-là, le sociologue, il peut arriver de le déplorer, n'a pas de mandat, n'a pas de mission, sinon ce qu'il s'assigne en vertu de la logique de sa recherche. Et il continue un peu sur ce même registre, en disant qu'au fond, il y a en même temps une usurpation essentielle, c'est le terme qu'il utilise, une usurpation essentielle de ceux qui se sentent en droit ou se mettent en devoir de parler pour le peuple en sa faveur, mais aussi à sa place. Et là, place évidemment toutes les analyses de Bourdieu sur la délégation, la prise de parole, etc. Donc, au fond, la question que nous devons, me semble-t-il, nous poser et lui poser est de savoir dans quelle mesure Bourdieu peut s'autoriser d'une compétence spécifique pour parler du néolibéralisme, c'est-à-dire de savoir si sa lecture polémique qu'il fait du néolibéralisme est produite en vertu de sa logique, de la logique de sa recherche, pour reprendre son expression dans la leçon. Ce qui revient à se demander, non pas si avant son engagement il avait une théorie toute prête, mais si dans et par son engagement il a développé une théorie scientifique et pas seulement une lecture polémique, politique du néolibéralisme. Bon. Donc la question porte bien aujourd'hui sur le type de connaissance sociologique spécifique qu'il peut mobiliser dans le champ politique. Et c'est bien la question donc que je voudrais plus directement posée. Donc y a-t-il, pour formuler les choses plus clairement, y a-t-il une analyse sociologique du néolibéralisme chez Bourdieu, comme il y a une analyse de l'État, du champ littéraire, de la connaissance, des intellectuels, etc. Bon. Est-ce que, plus généralement, la sociologie bourdieusienne ou inspirée de Bourdieu, qui utilise ses concepts, etc., a produit ou est en mesure de produire une telle analyse, et si oui, laquelle? Alors, tout de suite, je vais à mon hypothèse. Je pense qu'en effet, on peut montrer qu'il y a une analyse bourdieusienne du néolibéralisme, une théorie originale, mais je voudrais dire en même temps qu'elle a pour caractéristique de ne pas être tout à fait celle que l'on peut lire dans ses écrits politiques, dans ses interventions publiques. En tout cas, ce n'est pas celle que l'on a le plus souvent retenue quand on pense aux interventions de Bourdieu. Non pas qu'il y ait une sorte une contradiction entre la version publique, exotérique en quelque sorte, de ses interventions et une version sociologique savante, mais je crois que si Bourdieu a une théorie du néolibéralisme, il n'a pas pu, il n'a pas peut-être eu le temps, il n'a pas voulu donner à cette théorie un caractère entièrement construit, entièrement systématique. De sorte que ce qui est resté, c'est plutôt l'imprécateur, le contempteur public du néolibéralisme, avec toute une imagerie qui est restée de lui, en particulier celle que nous n'avons pas hésité à reproduire et à diffuser, c'est-à-dire cette photo où l'on voit Bourdieu en janvier 98 au coin de la rue d'Ulm, avec son mégaphone, en train de dire son soutien, le soutien des intellectuels aux chômeurs et aux sans-papiers qui occupent à ce moment-là l'ENS dans ce moment-là, et qui évoque dans notre imaginaire intellectuel et politique évidemment toute une série de photos, Sartre sur son tonneau, Foucault, Glucksmann et encore Sartre à la goutte d'or dans une manifestation antiraciste, etc. Bon, je pense que il y a une certaine étrangeté dans la mesure où Bourdieu a été en même temps l'un des sociologues, une des étrangetés du fait qu'il n'y a pas de théorie écrite, rédigée, systématisée, dans la mesure où Bourdieu, comme il le dit à beaucoup de reprises, était particulièrement averti du fait qu'avec le néolibéralisme se jouait, comme il dit, le devenir de la société, qu'il était question pour lui d'une affaire de civilisation, le mot est à la mode aujourd'hui, qu'avec le néolibéralisme se jouait non seulement le destin, l'avenir de la sociologie, mais le destin de la connaissance elle-même. Et il en avait été particulièrement alerté et averti assez tôt, et on peut en avoir pour preuve l'engagement qu'il a eu dans l'association de réflexion sur l'enseignement supérieur et la recherche, la RESER, qu'il a contribué à fonder, qu'il a animé ou co-animé à partir de 1992. Et ceci bien avant les grandes réformes de l'université des années 2000, le LMD, la LRU, etc. Bon, donc ce que je voudrais faire, c'est ici identifier et discuter ce qui me semble être une lecture originale du néolibéralisme. Je voudrais commencer au fond par rappeler, j'essaierai d'aller vite parce que je crois que c'est assez connu, mais simplement baliser un petit peu les choses en rappelant ce qu'a été l'engagement de Bourdieu. Ce sera ma première partie et j'évoquerai ici un certain nombre d'interprétations qui ont été données de cet engagement. Aussi bien par les détracteurs de Bourdieu que par, disons, ses disciples. Dans une deuxième partie, j'évoquerai donc plus directement ce qui me semble être la théorie sociologique de Bourdieu à propos du néolibéralisme. Et enfin, dans une troisième partie plus rapide, je lancerai des pistes, je pourrais dessiner en tout cas des chemins de réflexion autour des implications politiques de cette théorie. Alors, je précise encore une fois que les matériaux dont je me sers sont extrêmement divers, qu'il y a une formidable dispersion matérielle au fond des textes, des écrits de Bourdieu portant sur la question du néolibéralisme, ce qui ne facilite pas le travail, mais qui suppose donc un travail de recomposition, parce que comme souvent chez lui, il lance beaucoup de pistes et de travaux, mais qui sont sous des formes très variées. Il se trouve que bien souvent, Bourdieu a rassemblé des articles, des interventions et en a fait des livres. Il se trouve que pour ce qui nous intéresse, il n'a pas fait ce travail de rassemblement et de recomposition en un livre unique. Il y a peut-être juste, et je l'indique dès le départ, un texte synthétique qui me semble particulièrement important et qui peut nous servir et qui m'a servi de guide, qui était l'introduction aux structures sociales de l'économie, un livre qui est paru au Seuil en 2000. Alors, première partie, donc Bourdieu et l'engagement contre le néolibéralisme. Cet engagement pose évidemment le problème plus général de Bourdieu, du rapport de Bourdieu à la politique. Je évoquerai dans cette partie trois choses. Premièrement, un bref rappel des faits. Deuxièmement, les interprétations qui ont pu être données de cet engagement. Troisième angle que je prendrai, je voudrais souligner que cette intervention politique antinéolibérale marque, me semble-t-il, un double infléchissement théorique et pratique dans l'œuvre et l'action de Bourdieu. Alors, d'abord, quand on parle de cet engagement, rappelons quelques gestes et le contexte également. Cet engagement devient une chose publique, un événement manifeste, au début des années 90. Je crois que Bourdieu apparaît au début des années 90 dans une période de réveil politique, après une décennie, celle des années 80, qui a été bien décrite par François Cusset dans son livre qui s'appelle La décennie. Les années 80, période de recul général, aussi bien en termes de doctrine, de valeur, d'action, d'organisation, de recul général des réflexion critique et du mouvement social et ouvrier. Donc Bourdieu apparaît au début des années 90 comme une figure centrale de ce réveil politique. C'est le mouvement de 95, de décembre 95, qui est sans doute le moment le plus marquant où il est apparu à ce moment-là comme un porte-parole du mouvement social. 95, décembre 95, c'est un moment particulièrement important au moment dans l'ordre politique, mais aussi dans l'ordre intellectuel, puisque c'est un moment qui est marqué par une très grande visibilité d'une coupure dans le monde intellectuel de gauche entre des intellectuels qui vont soutenir le plan Juppé, qui a été l'occasion de la mobilisation des salariés pendant 3-4 semaines en décembre, et d'un autre côté, ceux qui vont soutenir les grévistes et lancer un appel de soutien aux grévistes. Donc, je ne vous ferai pas l'histoire de ce plan Juppé, évidemment, ça serait beaucoup trop long, mais disons plus simplement que ceux qui soutenaient le plan Juppé, du côté des intellectuels de gauche, qui étaient regroupés plutôt autour de la revue Esprit ou de la revue du Débat, soutenaient d'abord Nicole Nota, responsable de la CFDT, qui au fond avait émis des avis, une évaluation positive de ce plan Juppé au nom de la lutte contre l'exclusion. La question était de savoir pour ce côté-là s'il n'était pas nécessaire de revoir la politique sociale, la protection sociale, ses principes, son mode de financement, pour inclure ceux qui étaient les plus exclus, etc. Quant au de l'autre côté, la mobilisation gréviste avait comme principe de refuser tout recul en matière de protection sociale, en matière de retraite, puisqu'il était aussi question de revoir les retraites des cheminots, les systèmes particuliers de retraite, de même qu'il s'agissait de revoir les retraites dans la fonction publique. Il s'agissait donc de défendre la protection sociale, surtout dans la mesure où le plan Juppé apparaissait comme un plan qui devait déjà à l'époque satisfaire, calmer des marchés financiers et permettre une diminution du taux d'intérêt. On était déjà dans une configuration qui préparait ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors Bourdieu, pour revenir à lui, n'était pas à l'origine de l'appel des intellectuels en soutien aux grévistes, qui avait été rédigé par Jacques Kergoat, mais il a rapidement été considéré comme le principal instigateur, le représentant le plus célèbre de cet appel à soutenir les grévistes. Il est apparu précisément comme le porte-parole, plus précisément lors de la grève, lors de la manifestation du 12 décembre, par un discours fameux, resté fameux en tout cas, à la gare de Lyon, devant des cheminots. Un texte qui a été publié ensuite dans le petit volume Contre-feu, sous le titre Contre la destruction de la civilisation. Il semble important de signaler que à ce moment-là, la question de l'exclusion était un peu mise de côté, enfin en tout cas elle n'est plus aussi centrale peut-être dans le champ sociologique. Il paraît important de signaler que Bourdieu, dans son soutien au mouvement gréviste, prenait en quelque sorte à contre-pied tous ceux qui soutenaient le plan Juppé au nom de l'exclusion. Pourquoi ? Parce que Bourdieu était apparu quelque temps avant, 2 ans avant précisément, comme celui qui était précisément le porte-parole d'une souffrance sociale, et en particulier qui avait fait parler à un moment donné des questions de souffrance et de misère sociale avec son livre qui s'appelle le livre qu'il a dirigé, Misère du monde. La misère du monde est sans doute avant 95 l'ouvrage qui a révélé médiatiquement Bourdieu. Lorsque, et tout particulièrement lorsqu'il a été invité dans un moment télévisuel, là aussi resté célèbre, lorsqu'il a été invité dans La Marche du siècle, une émission qui était alors très, très regardée, aux côtés de l'abbé Pierre. En d'autres termes, Bourdieu avait pu apparaître comme celui qui parler justement de la souffrance et de l'exclusion, de façon d'ailleurs sans doute biaisée, puisque son livre « La misère du monde » est précisément quelque chose qui ne concerne pas seulement les 10 exclus, mais problématise justement la souffrance sociale. Bien autrement, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Un livre « La misère du monde » qui avait inspiré, pour une part, c'est lui-même qui le rappelle lors d'un entretien, la campagne de Chirac en 95, campagne qui s'était déroulée au nom de la fracture sociale. Chirac avait lu La misère du monde, avait même témoigné de son intérêt pour ce livre en envoyant une lettre, paraît-il, très chaleureuse à Bourdieu. Alors, voilà pour quelques rappels de moments, en tout cas 95, je crois, le moment le plus important, 93, avec, qui prépare d'une certaine façon l'effet Bourdieu de 95. Après cet événement, l'engagement de Bourdieu prend un caractère que j'appellerais volontiers un caractère stratégique. C'est un engagement stratégique. Il ne s'agit plus de prise de position ponctuelle. Il ne s'agit plus simplement de soutenir tel ou tel mouvement ou telle action, bien que Bourdieu continue à signer des pétitions ici ou là. Il s'agit, me semble-t-il, d'un mode d'intervention qui est permanent, qui fait partie d'une véritable stratégie. Ça prend beaucoup de formes différentes, mais on verra qu'elles sont relativement convergentes. C'est l'organisation des états généraux du mouvement social, qui se prépare donc pendant plusieurs mois et qui a lieu en novembre 96. C'est l'idée qu'il faut nouer des liens permanents entre les mouvements des 100 et le mouvement organisé des salariés. C'est l'appel à la constitution d'un front uni de force qu'il appelle la gauche de gauche. C'est l'idée qu'il faut développer un nouvel internationalisme, que le mouvement social ne peut avoir qu'une dynamique et une dimension européenne. C'est l'idée qu'il faut donc organiser un lien permanent entre les intellectuels critiques et le mouvement social. Il y a dans cet engagement, une fois, quelque chose qui est très différent de ce qui avait lieu avant chez Bourdieu. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. J'appelle ça, je crois qu'il y a là un infléchissement très net de ce type d'intervention. Au fond, on peut se demander si à ce moment-là, Bourdieu ne devient pas, je dirais, l'intellectuel dominant dans la gauche de gauche, un petit peu en position symétrique et opposée à ce que représente Pierre Rosanvallon à partir des années 80 autour de sa fondation Saint-Simon. On peut se demander s'il n'y a pas une espèce de symétrie entre les deux figures, en quelque sorte les deux figures intellectuelles. Bon, et ceci est dans une période particulièrement propice à, je dirais, la construction de cette figure de l'intellectuel dominant dans la gauche de gauche. C'est une période, effectivement, où se produisent beaucoup de glissements et de créations, où en particulier deux associations voient le jour, qui, par certains côtés, font écho au souhait de Bourdieu. Je pense à la création de la fondation Copernic en 98 et peut-être surtout à la création d'Attac en dans la même année. Il faudrait aussi rappeler les liens étroits qui se sont noués à ce moment-là entre Bourdieu et l'organe de la gauche de gauche, qui est le Monde diplomatique, journal dans lequel Bourdieu écrit régulièrement. Il y a également, je n'oublie pas, des initiatives directement inspirées par Bourdieu et qui sont par exemple sa collection, la petite collection Raison d'agir, qui est un véritable, du point de vue des libraires et des éditeurs, un vrai événement. C'est la collection Raison d'agir qui arrive très rapidement à s'imposer en librairie et à vendre des centaines de milliers d'exemplaires d'ouvrages comme celui qu'il a écrit sur la télévision et qui est les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi, des livres qui sont vendus entre 100 et 200 000 exemplaires, et ceci en quelques semaines. Bon. Alors, il faudrait expliquer, je pense, rappeler tout le peut-être des éléments de contexte, etc., en particulier dans le champ intellectuel, le fait que les grands intellectuels critiques qui avaient dominé la période 70-80, pour la plupart, sont décédés, qu'il en reste deux, qui Derrida du côté de la philosophie et Bourdieu, qui sont des quelque sorte des pôles, des repères pour beaucoup d'intellectuels et de militants de l'époque. Mais je crois que ça ne suffirait pas à expliquer la place de Bourdieu et le fait qu'il a pu faire ce que j'appelle un grand pari. Je crois qu'il y a un grand pari de Bourdieu à cette époque-là, qui est de faire des sciences sociales, telles qu'il les a entendues, une arme intellectuelle au service du mouvement social, une arme intellectuelle qui viendrait combler le grand vide laissé par le marxisme, qui viendrait se substituer d'une certaine façon au marxisme. C'est l'hypothèse que je fais. Je pense qu'il y a une ambition sociologique et politique de Bourdieu à ce moment-là, qui est de faire des sciences sociales une force sociale et politique, non plus par le relais d'un parti, qui pour lui est une forme largement obsolète d'action et d'organisation, mais par la voie d'une nouvelle structuration du mouvement social. Un mouvement social qui, à l'aide des sciences sociales, nourri des sciences sociales, pourrait être porteur d'une nouvelle conception du politique, de nouvelles formes d'action et de nouvelles formes d'organisation. Je crois que le projet Bourdieu, ce n'est pas seulement une dénonciation du néolibéralisme. Certes, il a bien vu, il énonce très souvent que c'est le danger principal pour la société, la civilisation et la connaissance, mais son engagement va bien au-delà de l'analyse, de la socio-analyse des souffrances sociales et des nouvelles formes de pouvoir. Bon, donc, à mon sens, la question derrière l'engagement de Bourdieu, à la fois théorique et pratique, il y a la question du marxisme et de cette place vide qui a été laissée par la crise générale du marxisme en tant que tel et des formes d'organisation qu'il a inspiré, que le marxisme a inspiré. Alors, deuxième point, les interprétations qu'on a été données. Je serai très rapide sur les interprétations malveillantes. Elles sont dominantes d'une certaine façon dans les médias, dans une grande partie du champ intellectuel. C'est que on n'a pas vraiment pardonné, me semble-t-il, enfin en tout cas beaucoup n'ont pas pardonné l'engagement de Bourdieu dans les années 90. Et certes, on a pu montrer de façon un peu défensive que Bourdieu n'avait pas commencé à intervenir politiquement dans les années 90. Franck Poupeau nous l'a rappelé la dernière fois. L'ouvrage qu'il a fait, le recueil qu'il a constitué, qui s'appelle Intervention, montre à l'évidence que Bourdieu, depuis les années 50, est quelqu'un qui intervient très régulièrement, très systématiquement dans le champ politique. Donc, on a bien pu le montrer, mais il n'empêche que le mythe des deux Bourdieu, pour reprendre une expression qui a été utilisée par une chercheuse, le mythe des deux Bourdieu est vraiment apparu à ce moment-là, un Bourdieu politique et un Bourdieu savant qui n'auraient aucun rapport l'un avec l'autre. Et ceci en dépit de tout ce que Bourdieu lui-même a pu dire, expliquer, en particulier sur le fait que pour lui, intervenir dans le champ politique était de l'ordre du devoir, qu'il avait toujours considéré qu'il n'y avait pas là simplement une question de caprice ni même de choix personnel, qu'il était question d'un devoir, que lorsqu'on en savait quelque chose, lorsqu'on savait quelque chose de la société, il s'agissait de le faire savoir à l'extérieur et donc d'intervenir. Et il y a des beaux passages, dans la leçon inaugurale là-dessus. En particulier, je vous lis simplement ce petit passage. Devant la servitude du travail à la chaîne ou la misère des bidonvilles, sans parler de la torture ou de la violence des camps de concentration, le « c'est ainsi » que l'on peut prononcer avec Hegel devant les montagnes revêt la valeur d'une complicité criminelle. Hegel, dans ce voyage, dans un voyage dans les Alpes, avait écrit que la vue des montagnes est éternellement morte et ne pouvait entraîner en quelque sorte qu'une idée, uniforme qui était le « c'est ainsi ». Eh bien, le « c'est ainsi » est insupportable, est inacceptable, est impossible pour le sociologue lui-même. Alors, j'ai dit que je passais rapidement parce que il y a eu un flot déversé, un flot de, je dirais, de paroles assez odieuses à ce moment-là, où, en gros, pour résumer, Bourdieu a été, on a attaché à Bourdieu la figure ou l'image d'un traître à la cause sociologique. On l'a traité de tous les noms, de vieil agitateur politique, de vieux radical, de vieil homme indigne, en quelque sorte. Jacques Julliard, portant peut-être la palme à la mort de Bourdieu, il a écrit « Égale à elle-même, la France ne célèbre dans ses grands hommes que leur déchéance ». Voilà comment on a utilisé d'une certaine façon cet engagement pour faire de Bourdieu quelqu'un qui, dans son intervention politique, n'aurait plus du tout était le sociologue qu'il avait été avant. Je passe sur ce que Boltanski a dit malheureusement au décès, parce que c'est peut-être là où se formule d'une certaine façon l'opposition entre les deux Bourdieu. Boltanski, le lendemain de la mort de Bourdieu, dit au fond il y a eu une œuvre importante, discutable, dit-il, mais dans le bon sens du terme, et une espèce d'agit-prop. Au fond, les dernières années étaient non plus le Bourdieu de l'œuvre, mais le Bourdieu de l'agit-prop. Bon. Mes deux ouvrages ont insisté sur ce point, deux ouvrages qui ont été écrits par deux anciennes élèves de Bourdieu, Janine Verdès-Leroux d'un côté et Nathalie Heinisch de l'autre, qui, l'une et l'autre, mais dans des tons, il faut bien le dire, assez différents, ont repris cette affaire. Verdès-Leroux, par exemple, voit chez Bourdieu de la dernière période, des années 90, un discours militant, irresponsable, irréaliste et radical. Quant à Nathalie Heinisch, dans son livre « Pourquoi Bourdieu ?», elle voudrait montrer qu'en fait, Bourdieu a réussi un doublé générationnel, c'est comme ça qu'elle l'appelle, c'est-à-dire une double opération de séduction, une séduction sur la génération 60-70, avec ses écrits sur l'école, et une séduction sur la génération 80-90 autour de la critique du néolibéralisme. Bon, je passe sur l'ensemble des matériaux qu'on pourrait trouver qui vont dans ce même sens. Alors, troisième point, en fait, cet engagement, contrairement à ce que disent les disciples, me semble marquer un double infléchissement. J'ai rappelé tout à l'heure ce que la version, je dirais, orthodoxe souligne, c'est-à-dire Bourdieu est toujours intervenu. Pas de changement, rien de nouveau. Il me semble qu'au contraire qu'on a affaire à une double transformation dans son intervention, dans le mode d'intervention politique, dans la nature de cet engagement, et un infléchissement de ce que j'appelle la ligne théorique. Le premier infléchissement, porte sur les rapports de la science sociale et du mouvement social. Je crois que ce qui est quand même tout à fait nouveau, c'est que cette intervention, c'est la nature, la portée, la visée stratégique de l'intervention de Bourdieu. Elle ne dénonce pas, elle ne se contente pas de dénoncer, se contente pas de critiquer. Elle est constructive, elle est bâtisseuse, elle vise une alliance des intellectuels, des artistes, des scientifiques et des membres des classes populaires ou moyennes, plus ou moins organisées dans des syndicats ou dans des formes d'associations nouvelles. Cette intervention participe de l'invention, en tout cas prétend participer de l'invention d'un nouvel intellectuel, l'intellectuel collectif critique, organisé donc d'une façon nouvelle, façon non partidaire, mais avec l'idée qu'il est possible de remplacer le parti dans la lutte politique. Hein. En d'autres termes, pour le dire de façon extrêmement maladroite, je crois que c'est une intervention qui n'est pas ponctuelle, qui vise à intervenir, qui est interventionniste d'une certaine façon, c'est-à-dire qui vise à transformer le mouvement social et syndical, qui appelle à une modification de ses formes, des géographies même de l'action. Hein. Ce qui me le fait dire, c'est pour avoir été dans ces mouvements et d'avoir un peu vécu ce moment-là, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, à part Sud et les responsables de Sud, l'intervention bourdieusienne a été très mal ressentie par beaucoup des militants et des responsables des organisations syndicales qui ont vu, d'une certaine façon, chez Bourdieu, des formes d'ingérence qui venaient heurter précisément leur routine, leurs habitudes, leur façon de penser, etc. D'où, me semble-t-il, l'échec de ces tentatives, de pratiquement toutes les tentatives bourdieusiennes de réorganisation du mouvement social, et l'échec de la façon dont il envisageait le rapport entre intellectuels et mouvement social. Disons que les choses se sont faites, mais elles ne se sont pas faites selon le modèle pensé, programmé, projeté par Bourdieu. Bon. Donc, à mon avis, une intervention différente et avec une attente vis-à-vis de la science sociale qui change aussi, qui n'est plus seulement la science sociale dévoilante, démystifiante, qui est une science sociale qui peut être structurante, qui doit participer activement à la réinvention du mouvement social. Deuxième point, je pense que cette intervention, son engagement, et je crois que c'est le point peut-être le plus important, implique une réorientation de la ligne théorique et un changement, je dirais, de la cible principale de son combat. L'expression de ligne théorique, je l'emprunte à Bourdieu, qu'il utilise à propos de Heidegger. Alors, ça peut paraître un peu incongru, mais pour Bourdieu, il y a une ligne théorique de Heidegger qui est profondément ancrée dans l'habitus de Heidegger, enracinée au plus profond de son habitus. Alors, j'en pense, cette expression de ligne théorique semble intéressante pour essayer d'indiquer, mais évidemment, il faudrait faire beaucoup de recherches et de creuser beaucoup plus que je ne l'ai fait. Je pense qu'il y a un infléchissement de cette ligne théorique, car il est frappant de constater que, jusque dans les années 80, beaucoup, sinon la plupart des travaux de Bourdieu portent sur la manière dont les institutions publiques, et en particulier le système d'enseignement, participent à la domination et à la reproduction sociale avec l'appui et au nom des idéalités philosophiques. La lutte contre les mensonges de l'État et contre les faux prestiges de la philosophie qui leur sont associés semble bien avoir été longtemps la source principale, pas la seule sans doute, mais la principale de son inspiration sociologique ou de son impulsion théorique. Cette ligne théorique est quelque chose qu'on pourrait presque appeler une antiphilosophie, c'est-à-dire, ou un antiphilosophisme plutôt, dans les sciences sociales. Avec évidemment ceci que pour être antiphilosophe, en sociologie comme en psychanalyse, il faut évidemment avoir un capital philosophique particulièrement consistant et solide. Mais je crois que ce qu'il a particulièrement mis en question dans ses travaux, c'est la position dominante de la philosophie dans l'institution scolaire et partant dans le champ de la connaissance. Et ce qu'il a mis en question, c'est les trois thèses des liens entre la position dominante de la philosophie et le pouvoir d'État. Au fond, noblesse de la pensée, noblesse du pouvoir, je dirais, allait de pair dans une connivence structurale. Et ceci se retrouve jusque dans sa critique qu'il fait du marxisme d'Althusser ou dans les distances qu'il prend avec Foucault, pour ne pas parler de la critique qu'il fait de Sartre. Il y a un aveu dans son esquisse pour une auto-analyse qui est particulièrement intéressant. Il dit « Il m'est arrivé souvent de me définir un peu pour rire » comme le leader d'un mouvement de libération des sciences sociales contre l'impérialisme de la philosophie. Et même si c'est pour rire, enfin, je crois qu'il faut évidemment le prendre au sérieux, parce que un peu partout, il explique que son engagement dans le théorique, scientifique, dans l'ethnologie et la sociologie, était lié à un désir très profond chez lui de répudier les grandeurs trompeuses de la philosophie. C'est l'expression qu'il utilise, les grandeurs trompeuses de la philosophie, et son refus, et le point est justement, et le mot est très important, et le refus profond chez lui du point de vue scolastique. Et au fond, ce que l'on voit dans toute une très grande période de sa théorie, c'est que le projet qu'il a, c'est le projet sociologique d'une économie générale des pratiques, se constitue contre les fétiches sociaux qu'il identifie dans la leçon de la leçon comme étant l'État d'un côté, mais aussi l'art, la science, enfin tous les domaines autonomes autres que l'économie. Et quand il s'en prend précisément à la philosophie, c'est en tant que cette philosophie soutient, porte le point de vue scolastique et légitime de façon idéalisée, déshistoricisée, déréalisante, ces idoles de substitution. Bon, tout ceci est bien connu, mais il faut quand même rappeler que la sociologie de Bourdieu n'est pas un anticapitalisme au sens marxiste du terme. Pour lui, les fétiches, ce ne sont pas les fétiches de la marchandise. La cible principale, ce n'est pas la société du spectacle, ce n'est pas l'aliénation publicitaire, c'est plutôt la connivence entre le culte de l'État et la haute culture. Et donc, d'une certaine façon, ce que je veux dire, pour raccourcir un petit peu, c'est que lorsque Bourdieu, dans les années 90, déplace l'accent, dirige le regard, porte l'analyse et le faire sur le néolibéralisme, il y a là un déplacement au moins d'accent et de cible qui ne doit pas être sous-estimé au nom d'une supposée ou au nom d'une continuité supposée de son intervention politique. Il est quand même assez frappant que pendant longtemps, Bourdieu ne cesse de dire que l'institution centrale des sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est l'école, c'est le système d'enseignement, et que ce qui est fondamental, ce qui est matriciel dans le système de domination, c'est le rapport entre le système d'enseignement et la haute caste dirigeante de l'État. Hein. C'est ça qui est... Alors, moi je crois que, si vous voulez, on doit interpréter, ou on peut interpréter, pour être plus réservé, on peut interpréter ce changement de ligne comme l'enregistrement chez Bourdieu l'enregistrement d'un changement dans le mode de domination. Ce n'est pas exactement, évidemment, comme ça qu'il parle. Hein, ce n'est pas exactement les formules qu'il utilise, parce que d'une certaine façon, chez Bourdieu, dans cette période des années 90, il y a très peu, me semble-t-il, ça m'a peut-être échappé, de réflexivité sur les inflexions qu'il prend. Et c'est la difficulté de l'exercice que je fais. Hein. Mais enfin, j'ai le sentiment que ce mouvement théorique chez lui consiste à rendre compte donc d'un changement dans la structure d'ensemble de la domination sociale. Et ce changement d'ensemble, justement, caractérise pour lui le néolibéralisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par structure d'ensemble de la domination ? je vise une articulation entre un certain mode dominant de connaissance, un certain type de capital, une certaine institution centrale, un certain mode dominant de pouvoir. Bien, je crois que si on regarde un petit peu comment les choses se passent pour Bourdieu, je pense que pour lui, longtemps, la société française était dominée par une structure de domination dans laquelle ce qui dominait dans l'ordre de la connaissance, c'était la philosophie. Ce qui dominait parmi les capitaux, c'était le capital culturel. L'institution centrale, c'était l'école. Et le pouvoir symbolique était assuré par les grands serviteurs de l'État au nom de l'intérêt général. La nouvelle structure de domination qu'il a en vue me semble être plutôt une structure dans laquelle la connaissance dominante ou la forme de connaissance dominante est la science économique, qui vient remplacer la philosophie, où le capital économique gagne en importance par rapport au capital culturel, du fait de la montée en puissance, si je puis dire, de la bourgeoisie d'argent et du pouvoir financier. Une structure dans laquelle les médias, et en particulier la télévision, prennent une place de plus en plus importante dans la domination symbolique et dans l'exercice de la violence symbolique, et une structure dans laquelle l'État est contrôlé par une nouvelle espèce de dirigeant, une nouvelle fonction publique, une nouvelle haute fonction publique qui est progressivement entrée en fusion avec les dirigeants de la finance et de l'économie. Voilà l'hypothèse que je voudrais faire, avec évidemment cette réserve près que nulle part Bourdieu ne dit les choses de cette façon, et qu'il s'agit là d'une interprétation que je fais de ce glissement. Alors, s'il me reste un peu de temps encore. Alors, j'ai fini ma première partie, donc il me reste deux. Mais bon. Alors, la deuxième partie, c'est justement quelle sociologie du néolibéralisme. Voilà, on arrive au cœur de la chose. Bon, alors j'ai dit tout à l'heure que Bourdieu n'avait pas écrit de sociologie systématique du néolibéralisme, ni de cette nouvelle structure, ni des écrits qui porteraient sur cette nouvelle configuration de la domination qui serait née dans les années 80 et 90. Alors, la difficulté, je l'ai dit, c'est la multiplicité des textes. C'est aussi ce que j'ai moins mentionné, le fait qu'il y a un très grand nombre de portes d'entrée possibles chez Bourdieu. Parce que le néolibéralisme, en réalité, il est abordé de multiples façons. Et ceci dès la misère du monde. Ou bien on le voit selon ses effets de souffrance, ce sont les grandes enquêtes de la misère du monde, ou bien comme une nouvelle idéologie dominante des élites politiques et économiques, ou bien comme une utopie libérale appuyée sur une science, ou même encore comme une révolution conservatrice. De multiples expressions, de multiples portes d'entrée qui supposent qu'on clarifie un petit peu les choses. Alors, quelle méthode vais-je adopter ? Je suis parti des écrits les plus exotériques de Bourdieu, de ses interventions les plus militantes, pour essayer déjà de voir ce qu'il en disait de façon polémique, comment il présentait le néolibéralisme. Et j'ai essayé, à travers ce discours public, de regarder s'il y avait, si on pouvait repérer des grands schèmes. Hein, j'en prends l'expression de Bourdieu, je ne sais pas si ce sont des schèmes générateurs, mais des grands schèmes au moins sous-jacents au discours public de Bourdieu. Et en me demandant, en faisant l'hypothèse, ce que, en repérant ces schèmes, disons, structurants du discours public, on pouvait au moins pointiller, identifier et donc discuter sa sociologie, cette sociologie de Bourdieu. Alors, première partie, donc, les discours publics qui constituent, selon moi, une contre-doxa donc anti-néolibérale, une contre-doxa qui, selon moi, a eu des effets doxiques, hein, doxiques, j'avais qu'un D, des effets doxiques sur tout le mouvement sur le mouvement social et sur la gauche critique, constituée d'une certaine... constitué, ont aidé à constituer, je dirais, tout un ensemble de lieux communs sur le libéralisme et le néolibéralisme. Bon. Mais peut-être précisément parce que Bourdieu est resté ambigu sur un certain nombre de points, peu clair, je dirais bizarrement, en voulant cliver, il a été relativement consensuel par rapport à ce qui pouvait se dire dans les années 90. Alors, une des... Je dis ça parce que il est... Les textes de Bourdieu, de Bourdieu à ce moment-là public sont difficilement distinguables de tout un ensemble de textes, d'une masse énorme de discours que l'on trouve dans les éditoriaux du monde diplomatique que j'ai cité, mais dans de multiples revues de l'époque, que l'on trouve aussi dans des ouvrages, que l'on trouve dans Attaque, que l'on trouve bon par exemple dans ce livre de Serge Halimi qui n'est pas d'ailleurs sans qualité, Le Grand Bond en arrière, on trouve bon, mais que est-ce que Bourdieu dit des choses originales sur le néolibéralisme? Bon. Alors, je résume rapidement le propos. En prenant de multiples textes, j'ai essayé de voir ce qui revenait le plus souvent. Alors, dans ces textes, le néolibéralisme est interprété comme une utopie. Cela revient systématiquement. Une utopie qui est fondée sur une science prétendue, la science économique. Et c'est une utopie qui est en cours de réalisation du fait des politiques néolibérales. C'est même là une idée qui est résumée par un titre d'un article de janvier 1998, à l'époque où il intervient justement pour soutenir les chômeurs qui occupent Ulm. Il écrit un texte qu'il intitule « Le néolibéralisme, utopie en voie de réalisation d'une exploitation sans limite ». Donc, mise en pratique d'une utopie. Au profit des détenteurs du capital, c'est en quelque sorte l'idée selon laquelle l'homo economicus, le modèle abstrait de l'homo economicus, érigé en modèle humain et en modèle de société, donc se traduit par des politiques qui sont au service des plus favorisés. Le caractère utopiste du néolibéralisme lui permet de s'inscrit dans une tendance à ce moment-là, à l'époque, une tendance très forte qui consiste à appeler ce qui est en jeu et en cours un ultra-libéralisme. Ce qui est souligné, c'est le caractère radical du libéralisme qui est mis en jeu. Cette utopie en voie de réalisation est en même temps présentée comme un archaïsme de la pensée. Au fond, ce néolibéralisme, c'est un archéolibéralisme ou un vétérolibéralisme. Ce qui, dans les textes les plus publics, apparaît, c'est plutôt que l'on a affaire à un retour de la vieille croyance dans la main invisible, ou dans le laisser-faire, la vieille croyance manchestérienne des vertus du laisser-faire. En tout cas, c'est la restauration d'un mythe. Et ceci, du fait que ce mythe est lui-même emporté, enfermé, contenu, en tout cas, dans la théorie scientifique, la théorie prétendument scientifique de l'économie. Et c'est alors que Bourdieu qualifie le néolibéralisme de révolution conservatrice. Elle serait, cette révolution conservatrice néolibérale, elle serait une répétition de la révolution conservatrice des années 30 en Allemagne. Elle vivrait, en tout cas, elle reposerait en tout cas sur le même type d'illusion, c'est-à-dire qu'il consiste à présenter des restaurations comme des révolutions. C'est comme ça qu'il le dit. Certes, il a le soin de préciser que cette révolution conservatrice ne se présente pas comme un retour à la race, à l'origine, au passé glorieux, à la terre, etc. Mais c'est un retour à un capitalisme radical, dit-il, à la norme du marché érigée en loi universelle. Donc un retour à une situation antérieure. Dernier point, deux points encore, rapidement. Le néolibéralisme, c'est une révolution conservatrice et c'est en même temps un retrait de l'État, un recul et un retrait de l'État. Ce point est extrêmement important. Très souvent, Bourdieu utilise cette idée d'involution de l'État. C'est un recul du droit et de la réglementation au profit du libre-marché. Mais derrière le libre-marché, il y a le rapport de force, il y a la violence, il y a le poids du capital. Et ce recul de l'État n'est pas général. Ce recul de l'État porte sur les fonctions sociales et culturelles de l'État, tandis que se développe l'État pénal. Plus l'État recule et laisse la place au capitalisme sauvage, comme il l'utilise, à une dynamique sociale darwinienne, plus en même temps l'État devient répressif. Autre point qui là aussi fait partie, je dirais, de la doxa et de la contre-doxa, ou de la contre-doxa aux effets doxiques, c'est que ce néolibéralisme est d'abord identifié comme un libéralisme anglo-saxon, ou en tout cas très souvent comme un libéralisme anglo-saxon, même s'il est repris par Tite Meyer, c'est-à-dire le président de la BCE, de la banque de la Deutsche Bank, pardon, de la banque centrale allemande, mais il est d'abord et avant tout le produit de l'école de Chicago. Et avec deux parrains, ou plutôt un parrain et une marraine, Reagan et Thatcher. Donc vous voyez, bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela, de ces textes-là? Y a-t-il dans ces interventions et dans les éléments que j'ai détachés de ce discours polémique, est-ce qu'il y a derrière des schèmes qui pourrait constituer une sociologie? Il me semble qu'il y en a moins trois qui semblent intéressants et qui ont la particularité d'appartenir au capital scientifique de Bourdieu lui-même. En d'autres termes, il me semble que derrière ces propos, qui par certains côtés ne paraissent pas forcément très originaux, il y a la mobilisation de points théoriques qui ont été depuis longtemps forgés, élaborés, développés dans les autres travaux et pour d'autres objets dans d'autres domaines. Bourdieu mobilise l'ensemble de sa propre sociologie pour soutenir ce discours critique. Si j'avais beaucoup de temps, je pourrais montrer premièrement que tout ce qu'il a pu dire du point de vue scolastique à propos de la philosophie depuis les années 70-80, peut-être même avant, tout ce qu'il a pu dire du point de vue scolastique fait l'objet d'un glissement de la philosophie vers l'économie. On pourrait trouver avant, évidemment, dans la critique de l'homo economicus, qui n'est pas nouvelle, des formules qui vont dans ce sens, mais je crois que ce qu'il fait, c'est de remobiliser l'ensemble des critiques qu'il a pu faire de l'enfermement scolastique, et en particulier dans l'analyse critique qu'il fait du philosophisme ou de la philosophie, il le reporte sur la science économique. Elle a pris la place de la discipline souveraine dans l'ordre de la connaissance. Elle en possède deux propriétés. Sa pureté scolastique, spécialement du fait de sa formalisation mathématique sophistiquée, qui en fait la science reine dans les sciences sociales, qui lui permet son audace impériale, qui lui permet d'imposer ses modèles, y compris dans des domaines et sur des objets qui étaient jusqu'alors réservés aux sociologues ou aux démographes, ou aux philosophes ou aux moralistes. Et deuxièmement, sa fonction politique en tant que science d'État. Elle a un avantage sur la philosophie, c'est qu'elle est particulièrement en phase avec les besoins de légitimation de la caste supérieure de l'État, ce qui n'est plus le cas de la philosophie. Elle est surtout très opérationnelle dans le cadre de cette nouvelle idéologie qui est porteuse de la réforme de la société, entre guillemets, c'est en quoi consiste précisément la politique néolibérale. Donc, le point de vue scolastique, c'est, me semble-t-il, un des schèmes qui sous-tend la critique que fait Bourdieu du néolibéralisme. Bon. Je passe sur beaucoup de choses. Le deuxième point porte sur le néolibéralisme comme, dans son rapport à l'État. Je pense que si le champ économique, et en particulier donc la science économique, a fourni le nouveau, la nouvelle règle, la nouvelle loi, le nouveau nomos universel, son extension pour Bourdieu ne tient pas seulement à sa force intellectuelle, ne tient pas non plus seulement aux évolutions spontanées du capitalisme. Cela relève de transformations dans la formation des élites, dans la constitution d'une nouvelle noblesse d'État et dans les nouvelles formes de domination politique. Au fond, le tournant néolibéral chez Bourdieu n'est pas seulement abordé comme retrait de l'État. Il l'analyse comme une double mutation et de la formation des élites et de leur mode d'action. Alors certes, il y a des effets idéologiques que Bourdieu repère, en particulier discours antitotalitaire, c'est-à-dire au fond, dit-il, antisocialiste et anticollectiviste de façon plus générale. Mais ce n'est pas ça le cœur du néolibéralisme. Je crois que peut-être le cœur de son analyse en matière de programme politique du néolibéralisme, et qui recoupe assez largement l'analyse foucauldienne, moins sur un certain nombre de points, c'est le rôle de l'action publique dans l'extension du nomos économique. C'est plus précisément le changement dans la fonction et la gestion de l'État. Un État qui, du fait des nouveaux gouvernants, de la nouvelle élite, de la nouvelle noblesse d'État, un État qui vise à transformer la société dans un sens plus pleinement capitaliste, en vue d'une société qui serait essentiellement régulée par des marchés, mais des marchés construits par l'État. L'idéologie néolibérale, pour Bourdieu, est une idéologie paradoxale. Elle se présente comme une idéologie anti-État, alors qu'il s'agit d'une idéologie et d'une stratégie étatiste d'un genre spécial, et qui a pour caractéristique de vouloir imposer universellement la raison économique. Le néolibéralisme, et c'est sa force et son danger, mobilise l'ensemble des moyens de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des moyens institutionnels d'exercice de la violence symbolique, pour imposer la raison économique. Mobilise tout, la parole autorisée, les règlements, les lois, les rapports de la Cour des comptes, les commissions, les multiples commissions d'experts, pour imposer la raison économique. C'est ça, je pense que Bourdieu pointe ce paradoxe et en même temps qui constitue la difficulté de la saisie théorique du néolibéralisme. Alors certes, il insiste sur le fait que cette politique néolibérale se présente, et je reprends son expression, comme une démolition de l'idée de service public. Et il le fait dans un texte important au titre complexe et ambigu qui s'appelle « La démission de l'État » et qui est inséré dans « La misère du monde ». Cette politique néolibérale donc obéit à l'idéologie qui domine désormais dans la caste supérieure de l'État, qui voudrait gérer les services publics comme des entreprises. Cette nouvelle caste d'État a appris ça dans des lieux de formation, des lieux scolastiques, d'un genre spécial. Dans des nouveaux lieux de formation, ou des lieux anciens mais qui se sont transformés, et qui sont, c'est ce qui revient sous la plume de Bourdieu le plus souvent, l'Institut d'études politiques de Paris et l'ENA, devenus, dit-il, de nouvelles business schools qui ne s'avouent pas comme telles, mais qui préparent l'élite de l'État à mettre en œuvre ces politiques d'imposition de la raison économique. C'est là où on apprend le langage de la rationalité économique, c'est là où les nouvelles générations se forment précisément à la norme néolibérale d'une société régulée par les marchés. Donc on retrouve chez Bourdieu cette idée que l'État exerce une violence symbolique du fait de la position aussi dominante, enfin en particulier avec comme vecteur ceux qui sont en position dominante dans le champ politique, qui est cette noblesse d'État, et cette noblesse d'État n'a pas été formée n'importe où, elle a été formée dans des lieux très spécifiques où ils ont intériorisé, où elle a intériorisé, je dirais, la nouvelle norme dominante, le nomos économique. Cette analyse du néolibéralisme, il faudrait dire qu'elle ne s'arrête pas à cela. Il faudrait repérer deux choses. Premièrement, une idée, me semble-t-il, très, très, très féconde et justement assez proche, en tout cas qui a beaucoup d'intersections avec ce que Foucault dit de néolibéralisme. C'est l'idée que l'État joue un rôle déterminant dans la construction des marchés. Et là, on n'est plus, vous voyez, dans l'idée d'un simple retrait de l'État. L'État joue un rôle déterminant dans la construction des marchés. Ce n'est pas que les marchés s'étendent spontanément. Ce n'est pas que les entreprises s'emparent de plus en plus d'elles-mêmes de champs entiers de la réalité sociale. C'est l'État qui construit et l'offre et la demande dans une multitude de cas. Et j'évoque ici tout le travail qu'il a pu faire des comptes rendus qu'il a fait de cette enquête sur la politique du logement. Enquête qui a été publiée dans les actes de la recherche en 90, mais dont on retrouve des échos dans La misère du monde, et que l'on retrouve aussi dans son cours sur l'État, que l'on retrouve exposé dans l'ouvrage que je mentionnais tout à l'heure, Les structures sociales de l'économie. Donc un État qui crée d'une certaine façon des situations ou des marchés, avec évidemment un aveuglement total sur les effets sociaux, culturels, politiques de la construction de ces marchés. Et Bourdieu a des passages extrêmement intéressants, en particulier à la fin des structures sociales de l'économie, sur ce qu'il appelle la misère petite bourgeoise, des familles endettées qui ont acheté leur pavillon de banlieue avec toutes leurs espérances frustrées de propriétaires. Un texte extrêmement important pour aujourd'hui, me semble-t-il, pour comprendre les fractures politiques et les tendances politiques dans un certain nombre de domaines. Bon. Deuxième aspect, j'évoquerai rapidement, il faudrait là aussi beaucoup de temps, comme disait Bourdieu, il disait ça sans arrêt, c'est la question de la guerre à l'intérieur du champ politique entre la haute fonction publique et la basse fonction publique, entre la main droite de l'État et la main gauche de l'État. Je crois qu'il y a, là pour le coup une grande originalité chez Bourdieu, qui consiste à montrer que le néolibéralisme et l'imposition de cette loi économique, de cette raison économique, ne va pas sans une lutte interne au champ bureaucratique. La politique néolibérale passe par l'attaque brutale, violente, de la main droite de l'État, composée des membres des cabinets, des membres du gouvernement, des experts, etc., contre la basse fonction publique qui est représentée plutôt, qui est composée de petits fonctionnaires qui s'occupent tout spécialement des fonctions sociales, des fonctions éducatives, des fonctions sanitaires, etc. Bon, et qui comprend aussi tous les magistrats, des policiers, etc. Enfin, toutes les fonctions subalternes de l'État. Ce qu'il voit dès le début des années 90, c'est ce qui va se développer dans les années 90 et au début des années 2000, et je dirais surtout depuis 5 ans, qui est le développement de cette logique managériale qui, évidemment, prend de multiples aspects dans les diverses fonctions publiques, mais qui est en quelque sorte l'importation dans le champ de l'État des manières d'être, de faire, de parler du management du privé. Et cette importation, Bourdieu la lie exactement en termes de lutte de lutte de pouvoir, ce qui, d'une certaine façon, permet de lire les mobilisations depuis 15 ou 20 ans de cette basse fonction publique comme précisément une sorte de lutte de classe interne, si je puis dire, au champ bureaucratique, une façon de se défendre contre une agression. Tout se passe comme si les bureaucraties de base, comme il dit, les street level bureaucracies, se mobilisent précisément contre les stratégies de destruction des corps professionnels et des systèmes de valeurs qui leur étaient constitutifs des fonctions sociales, éducatives, sanitaires, etc., qui étaient les leurs. Donc, chez Bourdieu, autant dans sa version exotérique, on a une certaine façon, une manière de conforter la contre-doxa antinéolibérale et de l'interpréter en termes de retrait de l'État. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a un peu dessous ou derrière, on s'aperçoit que les choses sont un peu plus compliquées et plus intéressantes. On a l'idée, encore une fois, d'une construction, un travail constructif de l'État, et deuxièmement d'une lutte interne de l'État qui suppose donc précisément qu'une haute fonction publique a pris à sa charge d'une certaine façon le travail de transformation du champ bureaucratique pour mieux transformer la société elle-même. D'une certaine façon, c'est l'instrument étatique, l'institution étatique en tant qu'instrument de transformation de la société qui finalement est mobilisée et connaît une mutation et c'est en quoi consiste le néolibéralisme. Le dernier point que je voudrais aborder, ça permettra de renvoyer à un texte qui me semble important, le dernier point que je voudrais aborder, c'est le qualificatif de néolibéralisme comme révolution conservatrice. Il y a là quelque chose de très systématique chez Bourdieu et de très curieux. Ce rapport entre la révolution conservatrice des années 20 et 30 en Allemagne et la révolution conservatrice. Je rappelle que Bourdieu a consacré un livre entier à l'ontologie politique de Martin Heidegger, dans lequel précisément la révolution conservatrice est évoqué en termes de pastorale, il appelle ça la vieille pastorale forêt noire, hein, de Heidegger. Et ce qui est décrit dans cet ouvrage, c'est plus généralement l'idée qu'on a affaire donc à une aspiration régressive à la réintégration rassurante dans une totalité organique d'une société qui est essentiellement agraire, féodale, autarcique. Quel rapport avec la révolution néolibérale? N'y a-t-il pas quelque chose de totalement incongru dans cette attribution? Que faut-il voir dans ce rapprochement entre l'idéologie völkisch des années 20 et, je dirais, les entreprises de rétablissement, de restauration du marché? Eh bien, je crois qu'il y a un point très important, c'est que Bourdieu insiste sur le fait que les révolutionnaires conservateurs des années 20 et 30 ont réussi à arracher la révolution des mains des révolutionnaires. Arracher la révolution des mains des révolutionnaires au nom d'un ressourcement radical dans une fondation, dans un fondement. Les révolutionnaires conservateurs se sont emparés du thème de la réforme, du mouvement, de la dynamique, du développement, de la vie, etc., pour précisément assurer un pouvoir qui était fondamentalement conservateur. Tout changer pour conserver en quelque sorte. Et au nom évidemment de cette réinscription dans une supposée essence. La révolution conservatrice, Bourdieu la résume par le mot de Heidegger dans le discours du rectorat de 1933, il s'agit de conserver et sauver son essence propre. Conserver et sauver son essence propre. Et d'une certaine façon, là c'est une piste de réflexion, est-ce que ce n'est pas finalement là désigner une composante très importante du néolibéralisme qui est cette aspiration à un retour non pas à la terre, à l'origine, au sang, à la race, et encore que, mais en tout cas à une origine qui pourrait être, comme aux États-Unis, un peuple qui vivrait selon des lois du marché, sans État. Je désigne par là les mouvements libertariens, le Tea Party d'une certaine façon, ou même des propos très étranges qui résonne un peu avec ce qu'on dit de Mitt Romney très récemment, lorsqu'il disait que son projet c'était de sauver l'âme de l'Amérique. Donc on a quelque chose là qui serait restant interrogé. Mais je crois, je terminerai là-dessus, c'est trop long, je crois que l'expression de révolution conservatrice fait surtout écho chez Bourdieu à un texte dont je n'ai pas encore parlé, qui est pourtant, je crois, tout à fait fondamental, et qui, d'une certaine façon, pourrait remettre en question ce que j'ai dit sur l'infléchissement tout à l'heure. Ce texte fondamental, c'est le texte qu'il a écrit avec Boltanski en 1976, et qui est la production de l'idéologie dominante. Un texte qui paraît dans le numéro 2 et 3 des actes de la recherche, et qui, par certains côtés, est un texte qui porte sur, comme dit Boltanski dans son commentaire qu'il a fait récemment, qui porte sur, au fond, un état dépassé déjà du capitalisme, c'est-à-dire le plan, les grandes entreprises publiques, mais qui, d'une certaine façon, anticipe les évolutions de l'idéologie néolibérale. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ce texte? Eh bien, c'est que Bourdieu et Boltanski voient non seulement que les économistes prennent le pouvoir d'une certaine façon symbolique dans la nouvelle idéologie, mais que de plus, désormais, on gouverne à la fatalité du probable, à la nécessité, à la volonté de nécessité. Il faut vouloir le nécessaire. C'est que la politique n'est conservatrice. La politique conservatrice, nouvelle manière, n'est plus une politique qui veut conserver l'ordre, mais une politique qui veut changer, et qui se fait au nom du changement, d'un changement qu'il faut vouloir, qu'il faut accepter. C'est ce fatalisme du probable qui constitue le cœur de la nouvelle idéologie, une volonté de changement, d'adaptation au changement, d'où la mobilisation des experts qui connaissent le futur et qui donc d'une certaine façon guident les politiques à mener, avec cette idée que dans cet évolutionnisme optimisme il n'y a plus que gestion, que pédagogie de la nécessité et évidemment de la démocratie. Trois points pour terminer. Qu'est-ce que ceci peut nous apporter, nous enseigner? Premièrement, ne pas se limiter aux écrits les plus publics et les plus polémiques de Bourdieu. Examiner la question du conservatisme. Je pense que Bourdieu et Boltanski, mais aussi ce qu'il a écrit après, nous apprennent ou nous rappellent en tout cas que la pensée de droite ne doit pas être confondue avec une pensée réactionnaire. Identifier la pensée de droite et la pensée réactionnaire, immobiliste, c'est, comme il le dit, être toujours en retard d'une guerre. Il faut au contraire être relativement en phase avec ce nouveau discours politique qui se fait au nom du réalisme économique et qui est devenu une politique adaptative, en phase d'ailleurs avec les discours et les pratiques managériales dans les entreprises. Donc une implication politique, c'est au fond une leçon à se méfier des pièges de ce qu'il appelle le conservatisme reconverti en réformisme. La réforme, c'est le grand thème de la politique de droite. Deuxièmement, j'aurais voulu aborder la question de la résistance. Le thème revient très souvent, résister. Et la question se pose de savoir si Bourdieu a dépassé cette question de la résistance. Alors la résistance, elle est permanente et elle porte sur un point très précis chez Bourdieu, qui est la défense de l'autonomie des champs de production culturelle. Alors là aussi, on peut s'étonner du fait que, après avoir très longtemps critiqué l'enfermement scolastique et les effets les plus néfastes des enfermements dans des champs autonome. Bourdieu s'est mis à défendre systématiquement l'autonomie de ses champs de production. C'est au fond le trait le plus courant dans ces textes. Parce que, évidemment, pour lui, ce qui est dangereux, c'est l'évolution dramatique de l'inféodation progressive de tous les champs intellectuels, culturels, scientifiques, à la loi économique. Ce qu'il refuse, c'est justement la domination dans les médias, mais aussi dans l'université, dans l'art, des principes de rentabilité, de rendement, etc. Bon. Ce discours défensif, je poserai simplement cette question-là, ne reconduit-il pas une forme d'étatisme ? Alors je sais bien que pour Bourdieu, nous ne sortons pas de l'État. Nous ne sortons pas de l'État. Il aime à reprendre la formule de Thomas Bernhard, nous sommes tous étatisés. Nous sommes tous étatisés. Est-ce que, face au néolibéralisme, en tant qu'étatisme d'un genre spécial, nous n'avons comme recours qu'un étatisme alternatif ? Il le dit à plusieurs reprises, la chose que nous avons à faire, dans l'état actuel, je cite, dans l'état actuel, les luttes critiques des intellectuels, des syndicats, des associations doivent se porter en priorité contre le dépérissement de l'État. Contre le dépérissement de l'État. Pour les marxistes et les libertaires, évidemment, ça sonne de façon très ironique. Donc nous avons, nous qui étions pour le dépérissement de l'État comme objectif stratégique, nous avons à lutter contre le dépérissement de l'État. Bon, la question c'est, est-ce que c'est ça l'horizon des luttes ? Bon, un étatisme alternatif. Et lequel, d'une certaine façon ? Mais je crois que Bourdieu ne s'arrête pas à cela, ce serait, je dirais, lui faire tort que de le penser. Je crois que, j'ai dit tout à l'heure, les formes d'engagement qu'il a développées dans la dernière période indiquent qu'il y avait au moins deux dimensions propositionnelles originales. D'abord, le primat de la lutte symbolique. L'idée systématiquement réitérée chez lui que la lutte sociale ne doit plus négliger la dimension symbolique, comme elle a pu le faire avant, en particulier en inféodant ses propres intellectuels comme intellectuels organiques, liés, soumis à la ligne du parti. La lutte symbolique est désormais érigée en priorité dans le mouvement social. Le mouvement social a besoin d'armes intellectuelles. Bon. Et il faut donc combattre toutes les formes d'ouvriérisme et de spontanéisme dans les luttes intellectuelles, bon, et dans les luttes sociales. Bon. C'est tout l'enjeu de l'intellectuel collectif. C'est tout l'enjeu de l'articulation donc des intellectuels et du mouvement social et la création d'un dispositif original qui soit à la fois un dispositif militant et de recherche, qui soit à la fois interdisciplinaire et international, dans lequel les chercheurs auraient une place bien définie, autonome, tout en étant articulé au mouvement social. Je pense que ça, c'est un point original de ce qu'il a pu développer. Deuxième point, je serai rapide, c'est l'idée que le mouvement social ne peut pas s'enfermer dans l'État national. Nous sommes tous étatisés, certes, mais en même temps, il faut viser un dépassement du plan et du champ national. Le mouvement social doit devenir européen. Il faut viser à la création d'un État social transnational. Il faut articuler les luttes dans tous les pays parce qu'ils sont tous confrontés à la même logique. Et donc tous les appels qu'il a fait à un nouvel internationalisme, au mouvement social européen, etc., sont encore, à mon sens, je dirais, des ce que je pourrais appeler la ligne politique de Bourdieu, reste, je dirais, comme des appels, plus que des chantiers, des appels au moins à la réflexion d'un mouvement social et d'un mouvement dit de gauche, qui, vu les derniers événements, risque fort d'involuer, de se replier sur le champ national, avec Marseillaise et drapeau bleu, blanc, rouge, dans toutes les meetings, avec l'idée que nous avons d'abord à nous battre contre nos propres ennemis de l'intérieur, et après nous verrons dans un deuxième temps à nous allier avec d'autres. Je pense que Bourdieu, de ce point de vue-là, a un temps d'avance, si je puis dire, sur le mouvement social tel qu'il se, anti-néolibéral tel que nous le voyons aujourd'hui. Voilà, j'étais peut-être trop long. Ouais, merci. Eh bien, écoute, ce n'est pas grave du tout. On te remercie de cette conférence très complète, ample, qui fait une sociologie de la sociologie de Bourdieu, au fond, avec toutes les inflexions nécessaires, ce qui rend d'ailleurs ton propos assez intéressant, d'avoir déplacé à la fois les focales sur les transformations, finalement, de la position de Bourdieu. Donc, il nous reste une petite demi-heure de questions, puisque tu as pris pas mal de temps. Donc, la parole est maintenant à la salle. Qui veut poser la première question? Moi j'en ai une, mais elle est un peu carrée, quoi. Parce que c'est à la fois Bourdieu et c'est aussi la contribution des sciences sociales à la critique de l'économie politique dans votre discours et dans les différentes tentatives de Bourdieu. Et ce que je voudrais lister, c'est ces différentes tentatives que vous avez fait un peu au début, parce que Bourdieu a fait beaucoup de travaux sur l'école et l'art, donc ça donne l'économie des biens symboliques, ça donne les fonds, l'économie symbolique des marchés, avec les doubles prix, les hiérarchies internes au marché, donc, marché noblesse d'État, marché de l'art, appliqué aussi à la maison, mais en quoi, et ça donne le projet d'une économie générale des pratiques, d'une science générale des pratiques, parce que j'hésite, mais qui est un projet très large, combien même on aurait l'économie générale des pratiques, on ne pourrait pas arbitrer dans les jugements, puisqu'il y aurait des domaines pratiques très différents. À la limite, ça donnerait un pragmatisme aussi. Mais au fondement de la racine bourdieusienne et des sciences sociales, c'est en quoi ces différentes économies symboliques, la source symbolique des marchés, de tous ordres, maison, les honneurs publics, pourraient donner et une économie politique et une économie politique. Quand on est dans l'économie politique, on sait que c'est vain. À la limite, ça donne l'intérêt des conventions. Les conventions qui font qu'il y a un marché, la transaction, soit sur des marchés réguliers, comme encore la maison, c'est pas régulier, il y a un investissement, soit sur les marchés autant instables tels que la haute finance. Quoi. Et là, c'est vain. Donc, il y a un trou noir. Alors, la réponse classique, la réponse ouvrière, de le fait, c'est que les sciences sociales sont parcellaires, mais chaque morceau de parcelle doit être relié dans une nouvelle synthèse qui peut être historique ou philosophique. Donc là, je n'ai pas trop donné la synthèse historique, vous l'avez un peu indiqué, la synthèse philosophique, vous l'avez donnée sur la nouvelle structure de domination. Mais reste que le noyau de l'aporie, l'économie archée symbolique ne peut pas produire une économie politique. Je pense que là, vous en savez plus, parce que c'est vos travaux autour de Hobbes et des mouvements symboliques. Et même là, on n'a qu'une pierre. C'est une question générale, hein, qui est dans le fil de votre exposition. Je réponds tout de suite. Oui, moi, je ne sais pas quel est le noyau de la porie, comme vous dites. Moi, que je vois, il y a plusieurs choses. Il y a un projet de Bourdieu qui est assez étrange et mériterait qu'on s'arrête, c'est l'économie générale du bonheur. Il revient à plusieurs reprises sur l'idée que l'un des chantiers du nouveau mouvement social articulé aux sciences sociales devrait être la constitution d'une économie générale du bonheur. Ce qui me semble particulièrement curieux, c'est que c'est exactement le projet de Bentham. Je veux dire qu'on a justement qualifié d'utilitarisme étroit, justement Bentham c'est pas du tout ça, c'est exactement une économie générale du bonheur, où toutes les activités, toutes les formes d'existence, d'activité, de rapports humains devraient être prises en compte dans cette comptabilité générale. Et pour Bourdieu, c'est une façon justement de combattre l'économie étroite. Alors la question chez très compliquée, c'est est-ce qu'une façon de combattre la rationalité économique, disons néoclassique, chez Bourdieu n'a pas été de prétendre à une extension, un dépassement d'une certaine façon, donc de l'étroitesse du calcul économique tel qu'il est fait par les économistes, en prenant en compte donc de multiples choses qui étaient ignorées, qui sont ignorées de la comptabilité nationale, et surtout de prendre en compte les effets différés dans le temps. Ça, pour lui, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La temporalité, la question du temps chez Bourdieu, comme vous le savez, est quelque chose d'un point clé. C'est d'essayer de trouver des moyens de comptabiliser les effets de décisions qu'ils ont prises dans les années 70. Et qui sont reportés, qui continuent à jouer jusqu'à aujourd'hui. L'affaire de la maison individuelle et de la politique du logement est chez lui paradigmatique, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises par Albin Chalandon en 1971 et par la commission Barre en 1975 ont contribué à structurer la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les phénomènes pavillonnaires, avec la ségrégation spatiale, les banlieues, les phénomènes de Le Pen, etc. Donc la question serait pour lui, et ça serait la grande tâche de la science sociale, je pense qu'on peut dire ça comme ça, pour lui la grande tâche de la science sociale, c'est d'élaborer cette grande économie générale du bonheur, avec tous les effets assez compliqués, c'est comment on compte tout ça, et est-ce qu'on n'entre pas dans un utilitarisme généralisé qui déplairait fort à mon ami Alain Caillé? Est-ce qu'on n'est pas, c'est tout le problème, tout le paradoxe finalement des nouveaux indicateurs de richesse, parce que tout ça a donné lieu et donne lieu aujourd'hui à de multiples travaux et tentatives de toutes sortes. Deuxième point sur la question de l'économie, c'est une affaire extrêmement compliquée. J'ai parlé d'Alain Caillé, vous connaissez son texte qui a été reproduit dans Misère et Splendeur des sciences sociales, qui s'appelle La sociologie de l'intérêt est-elle intéressante. La question, c'est de savoir quel est le rapport de Bourdieu à l'économie. Rapport extrêmement compliqué parce que Bourdieu lui-même me semble avoir changé et s'être défendu des attaques qui étaient portées contre son économisme supposé en modifiant les termes ou en les réinterprétant autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des interactions avec l'anti-utilitarisme de la revue du Mauss, bien qu'il ne la cite jamais, en réalisant ainsi, comme on le sait dans le domaine des sciences, des meurtres symboliques permanents. Caillé n'existe absolument pas pour Bourdieu. Et pourtant, il existe. Il existe parce qu'il lui répond. Il lui répond en disant que l'intérêt, c'est pas l'intérêt à la Bentham, etc. C'est l'illusion. Enfin, vous connaissez tous ces textes-là. Et pourtant, il y a quand même, me semble-t-il, chez Bourdieu, une formidable ambiguïté. Dans la mesure où l'économie, c'est quand même la vérité du symbolique. Et il n'a pas réussi, me semble-t-il, à se dégager de l'idée que le monde symbolique, c'était d'abord et avant tout un refoulement, qu'il appelle un refoulement originaire de l'économie. Au fond, les sociétés européennes, et c'est une des difficultés qu'il a d'aborder le néolibéralisme, et c'est en ce sens que le néolibéralisme, d'une certaine façon, déstabilise sa sociologie, me semble-t-il, ou l'oblige à bouger, en tout cas. Voilà quand même un passage que je ne vous ai pas lu, qu'on trouve dans les méditations pascaliennes et qui mérite qu'on s'y intéresse. Il explique ceci. Les sociétés européennes en sont venues peu à peu à surmonter la dénégation de l'économie sur laquelle se fondaient les sociétés précapitalistes et à reconnaître explicitement aux actions économiques, dans une sorte d'aveu à soi-même, les fins économiques par rapport auxquelles elles étaient depuis toujours orientées. Et au fond, ce mouvement qui concerne les sociétés entières, toutes les sociétés européennes qui s'avouent à elles-mêmes leur vérité économique. Bon. Mais n'est-ce pas le capitalisme, d'une certaine façon? N'est-ce pas le néolibéralisme qui pousse au plus loin cet aveu à soi-même que la vérité ultime du monde symbolique, c'était finalement l'économie? Bon, mais ce qu'il dit des grandes sociétés, il le dit des microcosmes symboliques, il ne cesse de faire ce qu'il dit que les sociétés européennes font, c'est-à-dire qu'il les fait avouer leurs vérités économiques. Alors d'une certaine façon, le néolibéralisme, je dirais, fait deux choses et peut déstabiliser la sociologie Bourdieu sous deux plans. Premièrement, sur ce plan-là, l'économie est-elle véritablement, peut-elle être considérée comme la vérité ultime des mondes sociaux et symboliques? Bon. Deuxièmement, la dynamique des champs. Toute la sociologie de Bourdieu est construite sur l'idée que l'évolution historique, c'est l'autonomisation progressive des champs. C'est-à-dire que, à mon sens, il reprend deux choses. La différenciation à la Durkheim, il les transforme bien sûr, et la rationalisation weberienne. Mais comment peut-il comprendre qu'à un moment donné, nous ayons une formidable rupture dans cette dynamique autonomisante et que nous soyons plutôt dans une logique intégrative du fait du pouvoir étatique qui impose partout la même ratio, le même nomos économique. C'est-à-dire qu'en fait, la dynamique néolibérale, l'emprise et l'entreprise néolibérale est une entreprise de réunification des champs. C'est-à-dire que partout, on doit fonctionner de la même manière. L'université est une entreprise, l'école est une entreprise, l'hôpital est une entreprise. Tout le monde doit fonctionner de la même façon. Est-ce qu'il suffit de dire que c'est la guerre de la haute fonction publique contre la basse fonction publique ? Quand Bourdieu fait de la défense de l'autonomie des champs une priorité, au moins tactique, de la lutte sociale, on peut se demander s'il n'y a pas derrière quand même une mise en question de tout ce qu'il a pu dire quand... Bon, alors, pour défendre Bourdieu, Bourdieu a toujours en même temps dit que cette autonomie était toujours le fruit, non pas d'une évolution spontanée, mais le fruit des luttes. Donc, d'une certaine façon, on pourrait reprendre cette idée-là en disant que tout tient, d'une certaine façon, aux forces, aux rapports de force qui permettent, à un moment ou à un autre, de renforcer l'autonomisation ou, au contraire, de laisser se produire des effets d'intégration. D'autres questions ? Stéphane ? Merci beaucoup Christian en fait de cette intervention, et notamment tout ce que tu as dit sur la manière dont la prise en compte du néolibéralisme vient justement bousculer la sociologie de Bourdieu. Alors à partir de là, tu essayes de nous dire en quoi malgré tout il essaye de l'analyser avec les armes dont il dispose, et que ces armes, ces glissements d'une certaine manière, c'est-à-dire ce qu'il disait sur la philosophie, on peut l'appliquer à l'économie, etc. Enfin, je reviens pas sur les trois points, peuvent nous permettre malgré tout de considérer qu'il y a une sociologie derrière tout ça. D'un autre côté, il n'a pas les armes pour le faire, parce qu'il lui manque quelque chose qui est essentiel et qui, au moment où il écrit, ne peut plus véritablement être amené, parce que toute sa sociologie ne comprend pas du tout cette question-là, c'est le fait que le social peut ne pas être limité au national. Or, toute la sociologie de Bourdieu est fondée là-dessus, jusqu'aux années 90. Et à partir de ce moment-là, il lui est très compliqué, justement, de repousser cette question des frontières, pour prendre en compte la question non seulement de la mondialisation comme processus, mais de le prendre en compte également comme enjeu. Et du coup, si on prend les trois pistes que tu nous donnes pour sociologiser cette version du néolibéralisme, eh bien on revient sur des choses qui malgré tout sont extraordinairement nationales, et ne peuvent pas du tout permettre de comprendre pourquoi et comment le néolibéralisme s'est en fait imposé comme idéologie, et on pourrait même dire comme humeur, si on reprend l'expression qu'il utilisait avec Passeron. C'est-à-dire comme humeur mondiale et comme humeur globalisante. La question, par exemple, des lieux de formation, ça n'est pas seulement l'IEP et l'ENA. C'est aussi le développement d'un certain nombre de pôles qui, eux, sont... bien sûr existent sur un territoire, mais qui en fait ne sont plus du tout liés à un territoire et qui forment des cadres au niveau mondial. C'est également la manière dont ont circulé de façon internationale les idées mêmes du néolibéralisme, parfois d'ailleurs dans le cadre de luttes politiques très importantes. Je veux dire, toute la logique de l'imposition de l'école économique de Chicago, des Chicago Boys, se fait en partie au niveau de l'Amérique latine, avec tous les impacts que ça a sur les politiques économiques d'un certain nombre de pays, comme par exemple l'Argentine. C'est-à-dire que si on veut véritablement comprendre ça, on est obligé aussi de se départir de la sociologie de Bourdieu, parce que cette sociologie-là ne nous donne pas les cadres. Alors, est-ce qu'il faut les appeler mondiaux, transnationaux, globalisants ? À la limite, c'est pas très important. Mais les cadres qui permettent de comprendre ce qui circule entre les États et la façon dont un certain nombre d'élites ont justement pu s'emparer de cela, créer également d'autres élites pour sauvegarder un certain nombre de leurs intérêts. Mais il n'y a pas qu'une logique d'intérêt, il y a aussi des choses qui tout simplement s'imposent au niveau d'une... d'une humeur, c'est-à-dire il y a des idées qui deviennent dominantes. Et le propre de la fin des années 80 et du début des années 1990, c'est la façon dont l'idée même de mondialisation s'impose comme une idée dominante qui va, en affinité élective totale, réussir par l'intermédiaire du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication à s'imposer comme étant véritablement le moment même de la transformation et d'une nouvelle forme de révolution. La grande force, à mon avis, de ce qu'on appelle le néolibéralisme, ça va être d'être capable de prendre précisément ce tournant-là. Or, en termes de théorie sociologique, Bourdieu, il n'a pas pris ce tournant. Il a pu le prendre, j'ai l'impression, dans le domaine militant, et effectivement tout ce que tu dis sur la création d'un état social transnational, l'internationalisation des luttes, etc., à mon avis, le montre, mais c'est en contradiction totale avec pratiquement tout ce qu'il a pu écrire auparavant. Contrairement à ce qu'on peut lire chez un certain nombre d'autres auteurs, mais qui vont souvent prendre d'autres tournants par ailleurs, je veux dire, Giddens et Beck ont pris, le tournant global, alors que Bourdieu, lui, ne l'a pas pris. On pourrait également citer Bauman à ce niveau-là. Or, les uns comme les autres se sont également impliqués politiquement, de manière très très différente. Giddens et Beck et Bauman n'ont pas du tout les mêmes visions politiques de ce qu'il faudrait faire au niveau des politiques publiques et au niveau du mouvement social. Et là, je pense qu'il y a du coup quelque chose qui est assez important à pouvoir prendre en compte et qui peut permettre d'expliquer pourquoi à la fois il saisit en quoi cette révolution est conservatrice et en quoi elle peut s'apparenter à ce qui s'est passé dans les années 1920 et les années 1930, c'est-à-dire en quoi elle est à la fois aussi une certaine forme de retour à, mais d'un autre côté, pourquoi aussi il ne peut pas l'expliquer. C'est parce qu'il ne peut pas véritablement voir en quoi toute une facette de ce qu'on appelle, de manière un peu homogénéisante, la mondialisation, c'est aussi une certaine forme de relocalisation extraordinairement forte et de renationalisation. Et cette renationalisation, dont on voit d'ailleurs les effets de manière évidente maintenant, quand tu nous dis que les meetings vont se faire au son de la Marseillaise et du bleu-blanc-rouge, tu as, à mon avis, entièrement raison. Et ce sont les effets de cela. Cette relocalisation est une renationalisation qui va de pair avec une transformation, en fait, de la politique même de l'État et des lieux où l'État peut véritablement agir. Du coup, on le voit d'une manière très nette, on favorise la mobilité des élites, on favorise l'expatriation, qu'on ne va jamais nommer émigration, parce que l'émigration et l'immigration, c'est en revanche la circulation qu'elle, il faut pouvoir réguler, contenir, maîtriser, parce que c'est celle de ceux qui ont moins, c'est la face obscure d'une certaine façon de la mondialisation. Désolé, c'est pas une question, c'est... Oui. Mais juste quelques points. Tu peux répondre. Oui, je peux répondre à la non-question. De façon générale, qu'il y ait des choses que Bourdieu ne voit pas, n'a pas pris en compte, etc., c'est absolument certain. Je pense qu'il y a une forme d'enfermement scolastique aussi chez Bourdieu, où il ignore beaucoup, beaucoup de choses, où il utilise relativement peu Polanyi, par exemple, il le cite, hein, mais c'est assez curieux ce qu'il en fait. J'ai dit que les travaux du Mauss, il n'en avait rien à faire. Enfin, de multiples travaux critiques sont ignorés de lui, qui lui auraient été utiles. Deuxième réponse, je pense que pour Bourdieu, il y a un retard que tu pointes, Stéphane, un retard, mais je prendrais sur deux plans. D'une part, la difficulté de faire une sociologie dans une phase de bouleversement, de révolution. Il ne cesse de parler de révolution, révolution conservatrice. Qu'est-ce qu'être sociologue lorsqu'on vit une révolution ? D'une certaine façon, Bourdieu était préparé à critiquer l'ancien monde. L'ancien monde dans lequel il est né, qu'il a formé, et c'est ce qu'il a fait. Il a critiqué un État ancien, un État qui se dépassait. C'est ça qui est dramatique presque chez Bourdieu, c'est que quand il se met à critiquer, à travailler sur la question de l'école, d'une certaine façon, il critique un monde qui disparaît. Enfin, critiquer l'extrême autonomisation de la culture scolaire, alors qui est déjà engagé, que se prépare déjà une transformation radicale des mondes scolaires et universitaires, c'est un peu paradoxal et un peu dramatique. Mais d'une certaine façon, on ne peut pas lui imputer la responsabilité de cela. Il y a une hystérésis, comme dirait, une espèce de, chez lui, de retard théorique, et qui est au principe, me semble-t-il, de la ligne majeure, de la ligne théorique majeure. Mais pour lui, à mon sens, il y a ce que je pourrais appeler une ligne théorique mineure, qui est au contraire beaucoup plus en phase. J'ai parlé du texte de 76. Il est quand même extraordinaire que ce texte soit une vraie pierre d'attente, un vrai texte d'anticipation à beaucoup d'égards sur ce qui allait advenir. Il n'était pas évident pour ceux qui ont vécu cette période, période Giscard d'Estaing, il n'était pas absolument évident que nous ayons affaire à un vrai tournant dans la politique. Il y a deux personnes qui l'ont vu, enfin deux ou trois avec Boltanski, il y a Foucault qui le voit dans son cours du Collège de France, Naissance de la biopolitique, texte fondamental à cet égard, et le texte Bourdieu-Boltanski qui voit bien les mutations. Quant au rôle de l'international, alors là, je crois que tu as très largement raison, parce que pour Bourdieu, encore une fois, l'État ancien dans lequel il vit et qu'il prend pour objet, précisément, c'est celui de l'État national. Son cours sur l'État est fascinant à cet égard. Nous sommes tous étatisés, nous sommes tous nationalisés, nous vivons tous dans des espaces nationaux, dans des espaces de croyance qui sont des espaces de croyance nationale. Pour lui, cela ne fait vraiment aucun doute. Nous sommes constitués comme ça, construits comme des êtres étatisés, nationalisés. Bon. Y a-t-il chez lui des anticipations ou des pointe-t-il des transformations ? À certains égards, il y a un post-scriptum, mais justement c'est un post-scriptum dans l'un des derniers textes. Post-scriptum aux structures sociales de l'économie, qui s'appelle « Du champ national au champ international », et qui répond à ton interpellation questionnante sur les limites de Bourdieu. Et très précisément dans ce texte donc, qui fait très exactement 7 pages, cette page, donc pour Bourdieu c'est quand même assez limité, il a l'habitude de faire un peu plus, il essaie précisément de montrer comment se constitue une universalisation économique transnationale, dépassant le cadre national. On est à l'extrême fin de sa carrière, de sa vie, de son action. Et là, d'une certaine façon, ce post-scriptum vient conclure son engagement militant, vient conclure sur le plan théorique son engagement militant et d'une certaine façon ce qu'il a pu pointer. Ceci dit, il faudrait regarder dans Acte de la Recherche le nombre de travaux qui à partir des années 90 se sont intéressés à l'internationalisation du pouvoir économique, et il y a de multiples numéros d'Acte de la Recherche, je les ai pas en tête, où cette question de la constitution d'une élite mondialisée est présente. Où par exemple on montre très bien les rapports entre les transformations dans, je dirais, de ce qui s'est passé aux États-Unis, dans les grandes organisations internationales, et la diffusion de la norme néolibérale. Je pense en particulier à un article sur le consensus de Washington qui est particulièrement significatif. Alors, ces textes-là, je pense qu'ils n'ont pas été écrits par Bourdieu, mais d'une certaine façon, ils s'inscrivent vraiment dans le mouvement de la pensée de Bourdieu. Hein. Bon, voilà, mais... Je suis tout à fait d'accord, et notamment on pourrait rajouter Garth, De Zalet, Le Baron, De Zalet, voilà, etc. Bien évidemment, ils s'inscrivent à l'intérieur de cela. Ce qui est frappant, c'est que chez Bourdieu, on sent que... En revanche, ça bloque beaucoup plus. Oui, il est né en 1930. Il est né en 1930, et donc je crois que ça marque. Oui, est-ce que je peux... Écoutez, moi j'ai bien aimé la manière dont vous avez présenté votre exposé en partant de l'engagement, justement, par rapport à l'analyse néolibérale. Naturellement, on plonge sur le néolibéral. Et en réponse d'ailleurs à la question de Stéphane, et vous y avez répondu indirectement, certes, il y a beaucoup un débat générationnel. Et je pense qu'en partant de l'engagement, il y a quelque chose de l'ordre de l'habitus qui est latent. Et autre élément significatif, c'est en même temps les clins d'œil à Foucault. À chaque fois, vous parlez de Foucault. Pourquoi ? Parce que cette génération de Bourdieu et de Foucault sont partis de Sartre. Et ils ont voulu faire une critique radicale de la philosophie de Sartre. C'est-à-dire, il ne faut pas partir que doit être le sujet de la connaissance pour que la connaissance soit, mais que sont les objets de connaissance. C'est-à-dire, ça a été ça, leur renversement radical. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, c'était des hommes qui sont partis de l'action et qui ont critiqué la pensée scolastique, comme vous l'avez dit vous-même. On voit bien, quand il a travaillé sur la Kabylie, à un moment donné, on a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas fait ethnologue ?» Il dit « Si je m'étais fait ethnologue, je serais devenu structuraliste. » Et ce qui l'intéresse, c'est justement quelque chose de l'action qui produit le social. Or, donc, d'où, tout à fait d'accord avec vous, cette critique scolastique et ce déplacement, autrement dit, vers l'économie. Donc, c'est une génération qui a vécu une sorte de mutation. Et les références de Stéphane sont très intéressantes. C'est les questions que se pose cette nouvelle génération, comme vous avez répondu, par rapport à l'ancienne. Alors, ce qui est en même temps intéressant, si vous voulez, dans cette... je veux dire quelque chose, ça m'a échappé là. Dans cette génération, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une critique de l'action, et en même temps, cette action, c'est pas l'acteur. D'où peut-être la rupture aussi avec Boudon, le débat avec Boudon, c'est pas l'individualisme méthodologique, c'est l'agent. Hein. Bourdieu le dit lui-même. Hein. C'est-à-dire, c'est un acteur en même temps qui est confronté, si vous voulez, à des déterminismes. Donc il y a toute une, je sais pas comment dire, une espèce d'ambivalence, hein, de paradoxal dans cette génération-là. C'est-à-dire, à la fois être dans le mouvement, être dans l'action. Et voilà ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette pensée scolastique, ce qu'il critique, il le dit toujours lui-même, c'est que cette pensée scolastique qui impose la domination symbolique à la société des questions qu'elle se pose. C'est-à-dire que ces questions ne viennent pas eux-mêmes, autrement dit, de la structuration sociale, des luttes sociales, etc. Ce sont ces systèmes constitués, hein, que ce soit des systèmes de pensée ou des organisations, autrement dit, qui imposent par leur forme de pensée la manière dont la société se pose des questions, qu'elle ne se poserait pas ou qu'elle se poserait autrement. Voilà. Autrement dit, si on dit que... il a toujours dit ça, hein, si on dit que la musique, c'est Jean-Sébastien Bach et pas le rap, hein, par exemple, c'est parce que c'est la culture classique, toute son organisation, autrement dit, qui impose ce genre de questions, qui enferme, autrement dit, les agents sociaux dans ce qu'est leur propre culture. Voilà. Je crois que c'est ces choses-là... Alors, je sais pas... C'est pour ça que j'ai bien aimé, parce qu'à la fois, c'est une génération qui a été confrontée à des contradictions très fortes. Hein, c'est-à-dire à la fois, partant d'une philosophie de l'action qui a été en rupture chez Sartre aussi, ils se mettent en rupture chez Sartre, mais en même temps, ils ne lâchent pas, autrement dit, le côté novateur, révolutionnaire, autrement dit, de l'action. Mais ils le posent différemment de la manière dont quelqu'un comme Touraine va le poser, parce que Touraine aussi, il développe une sociologie de l'action. Mais il la pose d'une manière radicalement différente de Bourdieu. Et c'est pour ça qu'en même temps, on rejoint dans cette génération le clivage, autrement dit, de la gauche de cette génération, vous avez dit vous-même, hein, l'esprit, la revue Esprit, le débat, etc., qui est une action volontariste à ce qui reste en même temps en rupture avec le marxisme, mais qui garde du marxisme le fait qu'il y a des lois de structure, autrement dit, qui fonctionnent. Alors, je crois que ça, c'est très important, on ne peut pas critiquer Bourdieu comme quelqu'un, on prend des textes et on critique des textes. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il faut le replonger dans la manière dont la pensée se construit, avec ses paradoxes, ses clivages, etc., dans son époque. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question. C'est pas vraiment une question, mais je vais y répondre quand même. Bon, donc, je voudrais juste sur le rapport à Foucault, quelque chose qui est frappant. Alors, quel est le débat en fait aujourd'hui? Qui est un peu scolastique, il faut bien le dire aussi, c'est la question suivante. Foucault présente le néolibéralisme dans son originalité, c'est-à-dire comme une coupure, comme une rupture, et dans sa différence avec le vétérolibéralisme. Il le présente comme dit Wendy Brand, comme un projet constructif. Bon. Il le présente dans sa positivité, création de dispositifs qui vont faire fonctionner les individus, les sujets, d'une nouvelle manière, dans une problématique qui est celle de la gouvernementalité, de la conduite des conduites. Comment on conduit les gens? Voilà. C'est la grande question de Foucault. Ce n'est pas la question de Bourdieu. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que d'une certaine façon, l'aspect constructif existait aussi chez Bourdieu. Et que, d'une certaine façon, la doxa ou la contre-doxa antinéolibérale qui a puisé chez Bourdieu n'a pas vu d'une certaine façon ou suffisamment vu ce caractère constructif. Le débat a été relancé par Lordon dans la revue des livres dernièrement, où justement lui, très bourdieusien, croit-il, insiste sur les aspects de la négativité néolibérale. C'est-à-dire que pour lui, ce qui importe, c'est précisément le démantèlement de l'État, le démantèlement, le déverrouillage, le déblocage, le débridage des puissances privées qui ne demandaient qu'à se répandre et qui étaient là déjà avant, mais que l'État, ces dispositifs anciens, contenaient. Bon. Et donc, au nom, sans le dire comme tel, mais on sent bien tout le poids du bourdieusisme chez lui, d'une certaine façon, il retrouve chez Bourdieu, il croit retrouver chez Bourdieu cette idée que le néolibéralisme est avant tout une destruction des dispositifs permettant aux puissances privées de s'épanouir. Bon. Or, ce que j'ai voulu montrer, mais je ne l'ai pas dit explicitement, c'est précisément que chez Bourdieu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il y a des mouvements beaucoup plus complexes et que, précisément, une des choses peut-être les plus originales chez Bourdieu, et j'ai mentionné là les points d'intersection avec Foucault, c'était justement qu'à travers la question des politiques de logement, mais on pourrait trouver d'autres domaines, et il aurait pu étendre ses travaux à la politique de l'éducation ou de la santé, etc., on retrouvait précisément le caractère constructif. Et comme vous l'avez très très bien dit, ce qui est particulièrement intéressant chez Bourdieu, ce que l'on ne trouve pas chez Foucault, c'est que précisément on voit comment peut se constituer à travers des institutions, des écoles, des lieux de formation, des lieux neutres, comme il dit, des lieux d'interface entre les différents mondes, comment peuvent se constituer cette norme. Et c'est précisément, à mon sens, là pour le coup, l'enjeu d'une sociologie, je dirais, plus mondialisée, c'est précisément de montrer que la constitution de cette norme mondiale néolibérale, elle n'est pas en effet limitée à la France, et de montrer comment la haute fonction publique, la caste dirigeante, la noblesse d'État entre, je dirais, en fusion ou en lien, en tout cas, avec, je dirais, tous ces lieux neutres mais mondialisés dans lesquels se constitue cette norme. Il y a eu l'école de Friedman, d'ailleurs. Faut oublier le contexte en économie. C'est ça, hein, Chicago Board. Oui, Chicago, le rôle qu'elle a joué, l'implication, comme vous l'avez dit, des hommes politiques, hein, Reagan, Thatcher, le Chili, enfin tout. Cette action mondiale, hein, là il y a eu effectivement, t'as raison, il y a eu une action mondiale du néolibéralisme. D'autres questions ? Je vais peut-être en profiter. Ah, pardon. Quels sont les enjeux de la démocratie dans le mouvement de résistance au néolibéralisme ? D'un côté, on a vu, il y a le devenir souverain de l'économie. En tant qu'ingénierie sociale, ancien du pouvoir, qui se constitue de plus en plus un discours normatif, prescriptif, presque performatif, mais qui tombe la société dans le fatalisme. Il faut vouloir le changement qui est nécessaire, comme le montrent bien les savoirs des experts. De l'autre côté, il y a cette défense de l'autonomie des chances intellectuelles, la création de d'un dispositif militant et de recherche autonome, organique, interdisciplinaire, international, et l'invention d'un étatisme de gauche ou d'une gouvernance alternative. Et alors, je vous demande un petit peu de si vous pouvez éclairer cette relation entre les phénomènes technocratiques d'un côté, ce propos d'engagement intellectuel de l'autre, et la démocratie. Y a-t-il un mouvement d'extinction de la démocratie ou il ne s'agit-il pas que d'un savoir engagé au service des mouvements sociaux? Comment il envisage ce rapport entre savoir, démocratie et résistance? Bon, je crois que pour Bourdieu, c'est assez clair. Il l'a dit dans un texte, d'ailleurs, qui était paru dans un manuel de sciences économiques et sociales à la découverte. Et il a écrit un petit texte qui s'appelait « Sciences sociales et démocratie ». Où il est absolument très, très, très, très clair sur le fait que la démocratie ne peut se nourrir que des sciences sociales, de ce que les sociologues, en particulier lui, ont apporté. Et donc, ce qui est, pour lui est essentiel, c'est que l'école, que l'université, etc., diffuse des travaux sociologiques sans lesquels, précisément, ce qu'on appelle la réflexion du citoyen, son jugement, sont absolument impossibles. Donc, pour lui, je pense qu'il n'y a aucun doute. Alors, la question de la démocratie, c'est intéressant parce que c'est par rapport à Foucault. Foucault ne parle pas de démocratie, tandis que Bourdieu, lui, en fait un élément central de sa stratégie. C'est, à mon avis, tout l'enjeu de ce que j'ai essayé de dire à la fin, c'est-à-dire sur la recomposition du mouvement social, son lien aux sciences sociales, etc. C'est vraiment l'idée d'un réveil démocratique, d'une réinvention de la démocratie dans le mouvement social. Et évidemment, ça pose une grande question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui sont les parce que ça débordait qui sont la réinvention de l'action et de l'organisation militante. Je crois que ce qu'il a beaucoup mobilisé aussi, c'est tous les travaux très plus anciens qu'il a pu faire sur la délégation politique, le fétichisme de l'organisation, etc., et qu'il voulait réinvestir dans le mouvement social. Inutile de dire que ces travaux sont restés plutôt lettre morte, me semble-t-il, quand je considère un certain nombre de formes d'organisation. Mais enfin, ça serait trop long. trop long de questions. Oui, juste une question, une remarque. Si je voudrais rebondir sur le débat que vous avez avec Stéphane sur la question des décalages finalement entre la sociologie de Bourdieu et à la fois la période et les objets qu'il analyse. Il y a peut-être une manière de voir les choses. Sur ce problème du décalage, qui pourrait être la suivante, c'est que bon, on peut penser que l'analyse sociologique qui se donne des objets spécifiques peut en effet se trouver en décalage lorsque elle est en train d'analyser un monde en train de disparaître, le monde est en train de changer. En effet, bon, on pourrait prendre le cas de la distinction, par exemple, c'est tout à fait frappant. Au moment où il écrit la distinction, il boucle la distinction, sans doute que les structures de la consommation culturelle, de la répartition des pouvoirs, du capitaux symboliques, etc., est déjà en train de changer. On pourrait prendre ça de manière encore plus frappante, à mon avis, sur la question du marché linguistique. Quand on reprend les textes, ce que parler veut dire, il pourrait probablement plus refaire la même analyse du marché linguistique aujourd'hui qu'il l'a fait dans la période où il le fait. Donc on pourrait montrer que sur un certain nombre d'objets, en effet, il est sans doute en décalage au sens où ces situations sont en train de changer et où il faut réadapter finalement sa sociologie à ces changements. Mais du coup, la question essentielle, c'est est-ce que une manière de sauver sa sociologie ou de repenser la validité de sa sociologie, c'est pas de dégager au fond les structures théoriques de sa sociologie, de ses objets, en se disant, si les objets finalement sur lesquels il a travaillé sont des objets qui sont en train de glisser, de se transformer. Qu'est-ce qui peut rester finalement? J'ai envie de rappeler un peu ce texte du philosophe italien Benedetto Croce à propos de Hegel qui s'intitulait ce qui est vivant, ce qui est mort dans la pensée de Hegel. Au fond, qu'est-ce qu'on peut garder de l'hegelianisme? Et on pourrait poser la même question à propos de Bourdieu. Au fond, si les terrains, les objets sur lesquels il travaille sont en train de se transformer, de changer, est-ce qu'il reste suffisamment d'armature théorique finalement et de concepts, d'hypothèses, de catégories dans sa sociologie, pour les réinvestir sur ces nouveaux terrains, et c'est peut-être là qu'il faut porter la discussion. Il faut se demander au fond, qu'est-ce qu'on va penser de le concept de capital, qu'est-ce qu'on va penser du concept de capital symbolique, qu'est-ce qu'on va penser du concept de taux de conversion des capitaux d'un champ à l'autre, qu'est-ce qu'on va penser de la notion de profit symbolique, qu'est-ce qu'on va penser du concept d'illusio, qu'est-ce qu'on va penser du concept de violence symbolique, c'est-à-dire toute cette conceptualité qu'il a construite sur des objets concrets, bien sûr, mais qui s'est étendue suffisamment au-delà de ces objets concrets pour travailler sur des champs extrêmement différents, du coup, aussi bien sur les règles de l'art que sur le marché linguistique, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut reprendre finalement cette structure conceptuelle-là et la réinvestir ailleurs? Et donc, qu'est-ce qu'il faut bouger à la limite de cette structure conceptuelle pour saisir ces nouveaux objets ou pas? Ou est-ce que la structure reste finalement telle qu'elle et on peut encore la faire travailler? Après tout, il y a une large partie des disciples de Bourdieu qui font ça. Bien sûr. Hein, ceux qui travaillent sur la distinction 20 ans après, disent au fond, on garde à peu près les mêmes concepts et on voit ce qu'il a né aujourd'hui de la distinction sociale dans toutes ses expressions. Donc on voit comment ça fonctionne de nouveau. Oui. Moi, je ne répondrai pas tout à fait à une question qui n'en est pas une, mais qui n'est pas adressé à moi, mais je pense qu'il faut prendre en compte l'efficacité symbolique de la théorie. Là, refaire du Bourdieu pour le coup, et se demander quel effet peut produire une sociologie qui mobilise à ce point le vocabulaire économique, qui avait sa portée dévoilante, démystifiante, lorsque précisément, comme il le dit, les mondes symboliques étaient dans la dénégation de leur fonctionnement économique, de leur vivaient dans le monde du refoulement. Mais c'est un peu un problème qui se pose aussi pour la psychanalyse, à un moment où la sexualité, est partout, dans la culture. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la sociologie de Bourdieu rencontre dans la réalité aujourd'hui, la sociologie bourdieusienne rencontre aujourd'hui dans la réalité quelque chose qu'elle ne rencontrait pas du tout il y a 30 ans ou 40 ans. C'est-à-dire qu'elle rencontre partout de l'économie et des mots économiques. On ne cesse de parler, on sait, une langue économique. Donc les effets de dévoilement à partir des mobilisations du lexique économique me semblent pour le coup très problématiques. Je veux dire que où est la dénégation économique dans l'université aujourd'hui? Donc je suis bien d'accord avec toi que la question de l'épreuve d'une théorie, c'est finalement qu'est-ce que ces schèmes ou ces points fondamentaux peuvent encore dire. Moi je crois qu'une théorie, c'est pas seulement justement que des éléments qui dévoilent. La théorie rencontre dans la réalité la science sociale. La science sociale, elle est dans la réalité. Et qu'est-ce qu'on rencontre dans la réalité? Une certaine forme de science sociale, un certain savoir savant qui est l'économie. Et donc il me semble que la sociologie, d'une certaine façon, la sociologie à la Bourdieu, est de fait, obligée de bouger. Obligé, y compris de revoir, de revisiter l'ensemble de son vocabulaire, mais derrière son vocabulaire, l'ensemble de l'entreprise dite de dévoilement. Et de revoir tout particulièrement l'articulation du symbolique et de l'économique. Parce que si je pense qu'il y a une chose qui est extraordinairement problématique aujourd'hui, parce que la réalité ayant bougé le montre, c'est l'articulation telle qu'il la pense entre symbolique et économique. Un symbolique fondamentalement considéré comme voilant et mensonger, et une dimension économique qui est identifiée quelque part au réel et à la vérité. Et je crois que là, s'il y a une élaboration théorique à faire, c'est bien de repenser l'économie comme symbolique, et pas seulement l'économie comme vérité du symbolique. C'est pas mal, ça. Bon. Amen. Non, mais il est content, Amen. Bon. Et s'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions. C'est l'actualité, à un moment où la sociologie essaye de se mouler dans l'économie, là, on voit bien. Ah, ouais. Dans les champs de savoir. C'est l'actualité. Ça lui rend ici. Ah, oui. Bien, merci beaucoup. Merci encore à Christian pour cette très belle conférence. Je rappelle que la prochaine conférence sera celle de Christian Baer, si je m'abuse. C'est Jean-François Baer, pardon. Il y a beaucoup de questions déjà. Sur les liens entre Michel Foucault et Pierre Bourdieu autour de ce qu'il appelle l'affaire polonaise. Voilà, et ce sera donc le 10 mars.